All right. Hey, Eric, ça fait longtemps qu'on n'a pas starté ça avec toi qui riais. Hein? Hein? C'est troll, man. Attends. Très naturel. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue au Geek Collectif, le podcast. Nous sommes présentement le 3 mai, 19h55, et accompagné ce soir de Monsieur Éric, le rire en canne Hébert. Bonjour André. Bonsoir Éric. Bonsoir, bonsoir Ben. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Milter. Bonsoir. Ok, excuse. Continue. Accompagné également de Benoît Mercier, bonsoir. Des Mystérieux Étonnants. M'applaudis moi-même. Un self-clap. Merci de te joindre à nous autres. Applaudis, Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Excellent. Donc, merci de te joindre à nous ce soir, Benoît. Ça fait longtemps en plus qu'on veut le faire. Là. Ben oui, c'est fait. Thomas B. Ça fait quoi? Ça fait 4 ans de collectif, puis ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'on parle. Mais il est sur notre liste, là, notre fameuse liste Excel. Non, c'est beau, j'ai compris. Non, mais en fait, ce qui est cool, c'est que tu sais, au début, on était comme, tu sais, ouais, les mystérieux, ça fait longtemps qu'ils font ça. Au début, c'était ça qu'on se disait. Dude, man, il y a tellement du. C'est fou parce qu'il y a tellement du monde qui me dit ça. Je suis comme, non, moi, j'ai l'impression que. En plus, c'est Laval. Mais non, mais non. Laval, il voudra pas venir ici. Ouais, je pense que c'était comme les deux barrières psychologiques, c'était, ça fait longtemps qu'ils font les mystérieux, fait que tu sais, peut-être que pour eux autres, puis Laval. Puis Laval, c'était comme le deuxième point, c'était, comment je fais traverser le pont, lui-là? Souvent, Laval, c'est un des problèmes avec certains invités. Par exemple, c'est niaiseux de même, là, mais. Ben, j'ai eu un, Fandry est venu me chercher au trou la Concorde. Mais des fois, on le fait chez Eric pour comme ouais. Faciliter ah, ben là, certains invités. Dans le flag. C'est juste comme à 5 minutes d'autobus de chez nous. J'ai dit des fois. Ah, t'es mais ça fait là, non, mais moi, je suis un peu plus haut. Toi, t'es dans Schlaga. Moi, je suis dans Rosemont, mais presque à égalité à chez toi. Ouais, oh. C'est ça. Ben, tu vois, regarde, peut-être la prochaine fois, à ce moment-là, on prendra le stock pour l'amènera chez Eric. Comme ça, on va avoir les problèmes jamais techniques vu. Chez Eric et non à Laval. Là, on ferait le barbecue. La prochaine fois, c'est à nous autres de vous inviter au prochain, au nouveau studio. Et voilà. Donc, vous l'avez entendu ici en primeur. Fuck, enregistré. Parlant de show, accompagné également de... Moi? Jonathan pourquoi Milter. Parlant de show que... Quel... Non, mais show, S-H-O-Y, okay. Là. Y? Oui. OK. C'est bon. Malaise palpable. Oui. Joe, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Comment va ton téléphone? Mon téléphone, il va très mal. Je peux juste appeler et texter avec. Maintenant, j'ai fait plus de juste Wi-Fi. Juste un téléphone. Ce qui est cool, c'est que tantôt, je vais faire un segue avec Joe parce que là, ça fait combien de temps ton téléphone est pété, Joe? Combien de temps qu'il est pété? Ouais. Depuis... 8 heures à peu près, quelle c'est heure? Ça? Moi, je vais dire 8 heures ce matin. Fait que... fait que ça fait 8 heures que Joe a un téléphone qui fait uniquement qu'appeler et texter. Oui. C'est chiant. Oui, j'ai eu des conversations en texte avec Joe aujourd'hui, en texte. Pis la seule affaire que j'ai écrit, c'est comme « Help! » Tu as texté « Hack the Planet, Grand Central » Si je capotais. Guys, on a un bon show à soir. Oui. On a la chance d'avoir Ben avec nous, un des... Je vais le dire, puis tu me corrigeras si t'aimes pas ça, mais un des pionniers du podcast québécois. Ben, j'aime ça, mais je me sens mal à l'aise. Pourquoi tu te sens mal à l'aise? Je l'assume pas. C'est vrai que ça fait longtemps, mais je sais pas. Mais je prends... Ça fait vieux grand-papa. Je pense pour ça que j'aime pas ça. Ça fait vieux. Ça fait « Ah, t'étais là avant. » Ton père il est venu avant, t'es plus vieux, c'est correct, mais non, je vais le prendre. Ben écoute, c'est quoi, c'est tout à ton honneur justement que tu sois malaisé un peu par le titre, mais c'est cool, je suis sûr qu'on va avoir une méchante bonne conversation toute la gang ce soir. Écoute Ben, je pense que t'étais dans le chat la dernière fois, tu sais un peu comment le show se déroule au collectif. On commence toujours en faisant de l'actualité, puis ensuite on tombe dans le sujet principal que ce soir, ben si t'étais mal à l'aise en disant que t'étais un des pionniers du podcast, ben t'es le sujet aussi de la soirée. On va parler de moi. On va parler de toi, donc de tes états d'âme et de tout ce qui t'entoure. Guys, actualité, qui veut débuter ce soir? Qui veut je serais prêt à y aller. Tu veux y aller, Eric? Est-ce qu'on peut commenter, par exemple, les actualités des autres? Certainement. Ben oui. C'est même encouragé. Ouais, donc, j'ai une douzaine de, de talking points que je claire. Une fois que j'ai claire, t'as pas tes show notes? Moi, j'ai rien. Il y a une bière. Mon téléphone, je peux pas l'ouvrir, en fait. Parce que comme Milton, mon téléphone, depuis samedi, il fonctionne pas. Puis il pocket call du monde de façon aléatoire. Puis c'est pour ça que je le garde là. Parce que ça se peut qu'il appelle des ex pendant le podcast. Penses-tu qu'on s'est fait hacker? Peut-être que c'est ça qui est arrivé. Il y a comme un doute vraiment motivé qui a décidé d'hacker les podcasteurs au Québec puis de les faire chier. Attends, quel lien... qui pourrait avoir un lien avec tous les podcasteurs... iChuck. Ah, c'est peut-être la barbe aussi des podcasteurs. Ah, excusez-moi. Non, iChuck. iChuck. C'était déjà là, sure. J'ai entendu qu'il supporte en plus Uber, lui. C'est sûrement lui qui a hacké tous les téléphones. Evil. C'est sûr, c'est Evil. Moi, le monde qui soutient Uber, là, c'est... Eric, qu'est-ce qui s'est passé de bon avec toi, c'est passé? Première chose, j'ai eu... C'est un petit bout, en fait, qu'on n'a pas fait de rec. J'ai eu des vacances de 2 semaines. J'étais allé me promener un peu, j'étais allé au nord Ontario, j'ai mangé une poutine. Au nord de l'Ontario, t'as mangé une poutine? Sturgeon Falls, mon village, est très renommé pour des frites et pour des frites en sauce et des poutines. Ça a l'air de rien, mais il était toujours renommé pour des frites avant, mais après ça, ils se sont appropriés justement la culture québécoise. Ils ont upgradé. Ils ont upgradé avec la poutine. Puis eux autres, ils donnent le choix de poutine râpée ou poutine fromage en crotte. Les deux en même temps. Sais-tu qu'est-ce qui manque? La cerise sur le sundae qui tue pas du parmesan par-dessus, puis c'est comme non, no fucks given. C'est toujours du hate là, du Québécois qui dit... Du fromage râpé sur une poutine, c'est pas une vraie poutine. Moi, je dis, ben, de la merde, mets du fromage râpé sur tes crottes dans une poutine, puis on en reparlera. Mais c'était pas ça, ma nouvelle. J'étais allé au Nord Ontario. OK. ça, on l'avait couvert. On a pas voulu te citer. J'ai dû acheter un ordinateur. De la poutine right now. J'ai dû aller aider, conseiller ma mère à acheter un ordinateur. Son ordinateur était rendu vieux. Elle a fait très bien avec son ordinateur à date. Puis là, on lui a pogné une belle petite tour HP. Tu voulais pas qu'elle achète un compact Presario? Non, mais on a pogné un HP quand même. Tu sais, j'ai pogné un compact Presario. T'étais en 2004. Non, parce que je me fiais au cellulaire Hamilton. Puis comme cadeau, ma mère a été super gentille, là, genre juste random, pendant que je tentais de la conseiller, elle a décidé de faire sa mère à son gars dans ses trentaines, puis elle a dit « Je sais jamais quoi t'acheter pour ta fête, je sais jamais quoi t'acheter pour Noël, parce que je veux toujours t'acheter des jeux, mais je veux pas te demander, mais là, choisis le jeu que tu veux, oh, wow. Puis je te la jette. Oh. » Puis je me sentais comme un petit garçon. Là, t'étais-tu comme dans ta tête avec le catalogue Sears, puis tu faisais comme « Fuck, je peux choisir ce que non, je ben, veux. » Non, puis... mais en fait, mon plan était déjà, j'avais déjà une idée d'un jeu que je pensais ne pogner comme dans une semaine. Puis ça a juste tombé sur ça. Fait que, tu sais, la semaine que j'étais en vacances, il y a eu des grandes sorties. Il y a eu Demon's Souls 3 qui est sorti. Ouais. J'ai fucking pas touché à cette marde-là. J'ai pogné Ratchet & Clank. Oh! T'es-tu allé voir le bon film choix. Aussi? Ça m'attend, là, le film. Je vais y aller, mais j'ai pas eu la chance d'aller au cinéma dernièrement. Mais je l'ai tout fini. C'est rare que je finisse un jeu de A à Z. Tu vois, contrairement à Demon's Souls, que j'aurais sûrement pas fini. Tu disais que c'était super bon en plus. T'as vraiment eu du fun. Ça me rappelait... Comment je pourrais expliquer ça? J'ai eu bien des... Tu sais, dernièrement, on a des Division qui sortent, des Battlefront. C'est des jeux qui ont des bonnes expériences de jeux vidéo. On les vit très bien. Ils livrent la marchandise dans qu'est-ce qu'eux, ils veulent faire. Mais pour moi, comme je suis pas un gamer, comme je te dis, un gamer... Un casual. Je suis pas... Ouais, c'est ça, fuck you. Tu sauras que je suis Paragon 180 dans Diablo 3 en saison 6. Ça, je dis casual. Sacre. Mais... Si lui est casual avec ça, moi, je fais quoi, là? Mais tu sais, tu joues des jeux comme Division, des affaires comme ça, qui sont super le fun. J'ai eu mon fun avec Division, puis avec Assassin's Creed, j'ai pas... Tu l'as eu quand, ton fun avec Division? Au début. C'était le fun au début. Dans le bêta. Il a joué? Dans le bêta. Ah, j'ai joué le bêta. J'ai joué jusqu'à niveau 24 maintenant. Ah, OK. C'est je l'ai pas revendu encore. Okay. Je l'ai pas revendu encore. Fait que ça veut dire de quoi. Mais il y a Uncharted qui s'en vient dans pas long. Fait que pas de promesse. Ouais. Mais c'est des jeux qui sont... Il y a tellement de shit à faire. T'as tellement de stuff. T'as tout à bout de grinder ton gear. Des affaires, ouais, t'sais, à bout de prendre ton équipement. Puis c'est un trip que j'ai eu dans les World of Warcraft. Ça, c'est un trip que j'ai dans Diablo. J'aime grinder comme ça, mais c'est des jeux de même. Une fois que tu vides ton amour dans un style... Faut t'en choisir un aussi. C'est ça, c'est un jeu de même. Fait que... Faut toujours choisir un jeu pour grinder pour ensuite vider son amour. Exactement. Ben, exactement. Wow! C'est bon. Mais, OK. Tabarnak. Ceci étant dit... Je t'ai quoté en passant. Ouais, ça, c'était très bon, ça. Ceci... C'était le fun. C'est des jeux... Excuse-moi, ça m'a tout fourré, cette affaire-là. Mais parce que j'étais en train de penser... J'avais, tout ce que j'avais dans la tête, c'était éjaculation. Spider-Manning. C'est ça. Oh, on vient de mériter notre mention explicite. Choisis un jeu comme Miltrade. Tu sais, t'en choisis un comme ouais. ça. Moi, je joue à World of Warcraft, je joue à Diablo. Fait que, tu sais, j'étais comme, OK. Mais... Mais c'est pas un jeu genre à la Mario, est-ce que tu peux se rentrer exactement. Dedans, puis c'est tout, puis ça va de l'avant, puis c'est le fun. A à Z, ouais, ouais. Je savais c'est quoi qu'il fallait que... Pas nécessairement obligé de jouer tous les jours à une heure. Exactement. Tu ouais. le fais parce que justement, tu sais, t'as pas l'obligation parce que tu penses que tu passes à côté, fait que tu fais juste jouer puis t'as du fun. Ben c'est ça. Là. Ben c'est ce que c'est. Puis moi, un third person platformer comme ça, puis en plus j'ai adoré les Ratchet. J'ai refait, je suis rendu à moitié dans le Ratchet & Clank 1 en ce moment à cause que le Ratchet & Clank au PS4 est un remake dans le fond du premier. Fait que tu revis ça un peu. Fait que j'ai refait, j'ai recommencé en version PS2 juste pour le fun. Mais c'était le fun de me rappeler d'un jeu vidéo qui est fait comme ça. C'est un classique. A à Z, A à B, tu as un tableau, tu pognes toutes les choses qu'il faut que tu fasses. Après que tu finis tout, t'es rendu proche de la fin, ben là, t'as une map qui est comme, oh, by the way, toutes les gros golden boats que t'as pas trouvé, ben check, ça, c'est une map qui dit ce qu'ils sont. Ce que tu dis, c'est très vrai, parce que c'est con à dire, mais j'ai hâte à Uncharted 4 pour une raison qui est probablement différente de bien du monde, c'est que... Tu sais, là, j'ai fait Division, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ça va être cool d'avoir un jeu où point A, point B, fin de l'acte, acte 2, point A, point B. Je serais pas obligé de faire... J'ai-tu oublié d'unlocker le coffre qui me donne le matériel que la dernière épée va être à telle place? Puis maudit que c'est fluide, hein? C'est ce jeu-là, l'histoire, cool. Là, cool, là, puis... Ben... Puis en fait, c'était un peu qu'est-ce que j'en parlais, de triper un peu sur de retourner sur cet amour de jeu-là. C'est que ça m'excite pour des Uncharted qui s'en vient... qui sont le même concept. Puis aussi le Crash, j'étais très excité que j'espère on a callé la shot. Moi on l'a callé au E3 l'année passée, mais ça on va le caller pour nos prédictions cette année, peut-être éventuellement on va le fesser, mais j'étais excité pour un Crash qui revient peut-être. J'aime juste ça, des third person. Mais on s'entend aussi. Ça m'a rappelé de ça. Activision. Merci, Mom. Avec, Activision avec Destiny. Destiny super chummy avec Sony. Là, whoops, Sony Naughty Dog, Activision, Crash c'est ça, Bandicoot. Quand tu parles de Crash Bandicoot, Crash Bandicoot. Ouais, c'est des clins d'œil qu'on a vu dans Uncharted. Mais t'as Uncharted qui en parle en ce moment. Ouais, ben, c'est le bébé. Crash Bandicoot, c'est le premier jeu de cette affaire-là. C'est pas leur premier, mais c'est leur premier gros succès. Ben, ça se voulait l'espèce de Sonic Mario de Sony. Mais c'était pas à Sony, c'était ça, à faire un jeu, c'était à Universal. C'était Universal qui ont financé cette affaire-là. Puis ça, ils ont perdu une main, puis éventuellement ça s'est devenu dans les mains de. Ça a comme disparu, il me semble. Ça a pas Activision, ils ont milqué ça un peu. Un de leurs derniers jeux, c'est Crash Team Nitro Racing sur les mobiles. Ouais. Si ça revient, il y a une chose qu'il faut qu'il revienne dans Crash Bandicoot, les annonces où Crash talk du shit à propos des autres compagnies. Oui, en mascotte, La mascotte de Crash qui talkait shit de Nintendo 64. Il call out le monde dans le parking. Là. Ça, c'était nice. Fait que c'est ça, il y avait ça que je voulais parler de, puis aussi juste une petite side note. En passant, pognez-le, Ratchet & Clank. Combien d'heures de jeu, parce que t'as dit que tu l'avais déjà fini? J'ai fini au complet, c'était environ 16 heures. J'ai pas toutes faites les choses. C'est pas un jeu à 80, là, on s'entend. Là. Ben, le jeu, il est même pas à 80, il est à 49. OK, bon. New, tu le jettes, il est à 49, là. Fait 49 pour 16 heures, puis d'habitude, c'est 16$, 2 heures si au cinéma. Exactement. Fait que t'as du bon divertissement. Voilà comme ça, c'est moi, j'utilise le même calcul. Puis quand tu le compares aux 80 de Demon's Souls 3, ça l'égale un peu à comme 3000 roulages à terre au Sen. Fait que tu sais, Ratchet, tu tires, t'as des weapons, ils montent de niveau, c'est super le fun. En passant, je comprends pourquoi c'est fun des Demon's Souls. C'est vrai. Je pas que je hate, là, mais je comprends pourquoi c'est fun. C'est vrai que Ratchet, il est basé sur le film, puis le film est basé sur le jeu. The movie based on the game, based on the movie. c'est pas un peu fuckant, ça. C'est weird parce que quand tu joues le jeu, t'as les scènes du film qui sont vraiment bien instaurés dans le jeu. Fait que quand tu joues le jeu, t'as une scène de film qui apparaît, pis c'est weird, parce que tu sais, quand tu joues au PS4, tu te rends compte, à chaque temps en temps, Sony te rappelle, by the way, this can't be recorded, là. Pis à chaque fois que t'as les vidéos du film, c'était ça. Mais tu vis un peu l'histoire du film. Mais le film, c'est un film sur le premier jeu. Fait que c'est un peu ça la joke, right? Parce que le film, c'est un film sur le premier jeu, puis le jeu, c'est un jeu sur le film basé sur le premier jeu. Fait que c'est pas comme c'est Defiance puis la télésérie. Il s'amuse avec ça tout le long. T'as de la satire dans le jeu, t'as des textes écœurants. Mais c'est bien intégré, t'as pas l'impression que c'est juste comme slappé par-dessus. Non, c'est un jeu qui est très self-aware. Fait qu'ils se moquent de eux-mêmes. C'est ça, je me demandais le côté. Non, pour ça, c'est tout. Ils réussissent-tu bien? C'était, parce que c'est plusieurs niveaux, là. T'sais, c'est plus juste. Qu'est-ce que tu dis, c'est plus, c'est plus juste un double niveau là. Ça l'est un peu, non? C'est ça le film sur le jeu, puis le jeu sur le film. Ouais, sur le jeu, ben, je pense pas que c'est si compliqué que ça. Ça finit à être accessible. Genre d'affaires que les Japonais font constamment eux autres. Les autres, c'est comme... Quand on fait ça, on est comme oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a en premier? On l'a tout mélangé. Il est bien simple ce jeu-là. Mais l'autre chose, c'était en parlant de Diablo que je jouais tantôt, j'ai repassé saison 6 qui est sortie. Puis à la saison 6, je me suis grindé dans Diablo à chaque année, t'as une nouvelle saison, uh-huh. Puis là tu recommences à zéro, puis c'est le plus vite que le monde y monte, le plus vite que tu tues des rifts, comme ça. Puis là je suis rendu à 70, puis je suis dans un groupe avec des chums qu'on fait ça, puis un jour j'envoie un lien dans le Messenger, il est comme, tu sais, cliquez là-dessus, venez me rejoindre, je comprenais pas. Je clique là-dessus, puis j'ai découvert Discord. Oh, puis oui. Discord, c'est un peu comme le killer de Skype puis de TeamSpeak puis tout c'est ce qui si est voice Slack, over IP là. Puis Ventrilo, ouais, puis Skype avait comme couché ensemble. Okay. Puis il avait fait un genre d'application difforme weird mais super excellent. Parfait, parfait, parfait. Quand je jouais dans le temps de World of Warcraft ou dans même Counter-Strike, quand tu rencontrais du monde, tu le jouais, tu le rendais des voice chat, c'est comme « Oh, I don't have TeamSpeak » ou « I don't have that » ou « I can't have that » T'es toujours un gars qui joue un jeu vidéo sur un ordinateur mais qui sait pas comment, ça marche. Ouais. Fait que c'est pas comment l'installer. Ça, tu cliques le lien, tu reçois le lien, peu importe, tu cliques dessus, pouf, t'as une pop-up qui apparaît, c'est comme « Comment est-ce que tu veux que les gens t'appellent ?» Tu mets ton nom, pouf, t'es dans la version browser de Discord. OK, c'est in-web, là. C'est mais quand tu vas sur la face, uh-huh. C'est in-web. OK. Mais quand tu vas plus profondément, t'es capable de télécharger l'application, l'installer. Tu as une version mobile. En fait, c'est le studio Hammer & Chisel qui ont été connus parce qu'ils ont fait Fates of Forever. C'était un MOBA qui a pas eu... C'était un des premiers MOBA sur le mobile. Puis eux autres, ils ont vu que les gens, ils ont de la misère à se communiquer sur mobile. Ouais. Leur jeu, il a pas pogné. Ils ont décidé « Fuck that », on s'embarque dans le Voice over IP. Puis ils ont tous créé une nouvelle affaire qu'ils ont launché au milieu de l'année passée. Mais l'intégration est malade parce que t'es pas obligé de chatter de vive voix avec tout le monde. Parce que tu peux créer des serveurs, t'envoies le lien, le monde se connaît. Comme là, on a parti un serveur du Geek Collectif qu'on va mettre le lien sur la page. Mais aussitôt que t'es connecté, ça te dit à quel jeu tu joues, tu peux avoir l'intégration. T'es pas obligé d'installer rien, tu marches dans ton browser. Tu peux l'avoir sur ton cellulaire aussi, puis embarquer avec les gens. Pas sur le mien. Oui, sauf sur celui de Milton, qui est défectueux. Le mien non plus, je pense. Mais c'est très... l'intégration est très fluide. Ça se connecte-tu à un compte Google ou faut que tu te crées Non, c'est leur propre affaire. Tu crées ça. Tu peux, quand tu crées sur l'ordi, tu peux le lier à ton Facebook, comme d'habitude, ou ton Google, ça va comme ça. Mais tu crées ton propre compte, puis après ça, il est lié comme ça. Puis juste pour le fun, j'ai appris hier qu'on pouvait... l'avoir sur mobile. Puis mon ami m'avait dit, moi je trippe parce que même il faut qu'il aille marcher son chien. Fait que pendant que t'es en train de grinder des Diablo avec des chums, il dit, faut que je sors mon chien. Mais il sort son cellulaire, ses écouteurs. Puis il jase pendant que t'es en train de marcher son chien. Des petites choses comme ça. Puis c'est complètement gratuit. Le studio en ce moment, ils ont annoncé au mois de janvier qu'ils sont rendus à 3 millions d'utilisateurs. Je suis sûr que c'est rendu plus. Tout est gratuit en ce moment, c'est tout venture for money en ce moment, c'est tout financé. Puis la monétisation de ça, puis c'est 7 serveurs au monde où ce que quand tu te connectes, tu es dessus un de leurs local servers. Le latency est super bas, ça fonctionne super bien. Puis la seule manière qu'ils veulent faire de l'argent là-dessus, c'est des développeurs de MOBA. Fait que moi, je pense qu'ils sont inspirés par ça. Puis ils ont décidé de monétiser ça en la personnalisation. Fait qu'ils donnent le logiciel, super facile, ça fonctionne seamless sur ton browser, sur un ordi, n'importe quel ordi que t'as, sur ton cellulaire, tablette, ça marche parfaitement. Mais c'est quoi, si tu veux changer le fond, faut que tu payes, mettons? Ben genre, c'est ça. Si tu veux un avatar cool ou tu veux une animation écœurante sur ton nom, tu payes un peu de cash. puis la vanité quand ça vient à ta personnalité ligne. Et les humains sont pleins de vanité. C'est ça. Hey, qui aurait cru que la vanité, ça pourrait nous permettre de jouer des jeux gratuitement puis avoir du shit gratuit? Non, mais ça a l'air de rien. Non, mais là, c'est mais, League of Legends, là, c'est juste la vanité, là, mais le jeu, c'est... Je connais des gens qui ont payé 250$ ce jeu-là, je suis comme... C'est juste pour le look, là. Mais de l'autre côté, en termes d'heures, ces gens-là ont dû jouer pour 250$ aussi. Oui, sûrement. Mais... C'est ça. Fait que Discord, mais t'étais pas obligé, c'est surtout ça. Là. Discord, essayez-le si vous l'avez pas encore. On a notre groupe qui en est parti. Moi et André, on l'a testé hier. On a eu une conversation pendant que moi j'étais dans le métro. On a partagé des photos. T'sais, c'est genre la phase que t'as un chat en plus de, dans ton serveur, t'as un chat. Puis c'est super facile. Moi, sur mon cellulaire, dans le métro, je snap une photo direct de moi puis je le poste. Fait que ça l'ouvre la porte à beaucoup plus que juste des jeux vidéo, Discord, on pourrait dire. Moi, je pensais à du monde, mettons, tu vas avoir une ligne ouverte pour un podcast, puis tu veux pas nécessairement t'abonner à un nouveau service, puis gosser, c'est parfait. En fait, je suis convaincu que si on patcherait ça dans la board, on pourrait avoir du monde qui embarque live, puis qui parle facilement, de qualité. Puis comme André, hier, André, qu'on s'est rendu compte que le potentiel louche était là, on s'est dit, fuck, c'est-tu comme la renaissance d'un MIRC un peu? Et devine sur quel site je suis allé rechercher pour trouver des canaux louches de Discord? Reddit! C'est sûr que t'écris Discord Weird Channels, il y a un subreddit de ça. Première affaire que t'as faite quand tu t'es abonné à une nouvelle application, tu t'es dit, oh, je vais aller checker les channels louches sur Reddit. Ben, crème. Le pire, c'est que c'est-tu quoi? Avant, je faisais pas c'est ça. C'est moi après qui pense pour le gars Weird Channels. Ben oui, mais c'est à cause de toi, Milton, tu m'as influencé. On parlait du potentiel porn de Discord. Oui. Ça a été tout de suite à fucked up. Puis Reddit. C'est sûr qu'il y a du monde déguisé en steampunk qui fourre à quelque part sur un Reddit. Live. Un... Oui, oui. C'est incroyable. mais les gens Donc, les gens qui veulent l'utiliser, ça s'appelle Discord. D-I-S-C-O-R-D. Oui, tu le trouves en ligne, Google va le trouver. Puis ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir l'essayer sans même l'installer sur votre laptop cellulaire. Vous l'essayez sur le furteur, puis that's it. Mac PC ou juste PC. En fait, c'est browser. Browser, que c'est tu vrai. Soit sur Safari, c'est etc. C'est ça. Discord ne discrimine pas. Exact. Puis j'aimerais noter aussi pour les Milters de notre univers qui pourraient jamais, comme ils ne connaissent pas régulièrement sur Skype, des affaires comme ça, toi, tu pourrais l'installer sur ta tablette puis tu nous joins là-dedans si on est en train de jouer un jeu. Ça remplace un peu les party chats ou ça fait le party chat un petit peu plus privé ailleurs. Ouais. On est rendu avec tellement de médias sociaux puis de IM puis de méthodes de communication, j'avoue, là, on est saturé. Ouais, ouais. Mais quand ça vient au niveau du jeu... Discord, j'aime juste leur approche. Fait que checker ça. J'aime l'approche qui intègre tout. C'est accessible. Qui a pas rêvé de le cave qui sait pas comment se connecter dans un voice over IP? Ben, qu'il soit juste envoyé un link et clique dessus. Puis ça marche, là. Merci, Eric. Ben, ça fait plaisir, André. Guys! Qui veut enchaîner. Moi, je peux y aller. Tu peux y aller, Milton. Je suis content. Est-ce que je prépare une nouvelle, pour vrai? Ben écoute, tu peux nous parler de l'actualité. Je viens d'apprendre là, mais est-ce que vraiment trouvé de quoi? OK, vas-y. Mais mon sel, il est mort. Ouais. Ça, c'était ce matin, ça. Ouais, ce matin. Je viens d'acheter une maison depuis dimanche. Félicitations. On est mardi. Bravo. Merci. J'espère. J'espère beaucoup. Y a-t-il un sex dungeon? Pas encore. Il y a un donjon, par exemple. Oh. C'est la chambre de mon futur bébé. C'est comme un château médiéval. Attends, c'était pré-décoré. C'était pré-décoré. Fait qu'on s'est dit, ah, le bébé, il chialera pas parce qu'il est pas né encore. Puis Logan puis Trent, qui sont assez vieux pour se plaindre, on s'est dit, on prendra pas la chance. Fait qu'on va écrire ça dans l'autre chambre. Tu peux-tu prendre des photos qu'on la mette sur la page? Je vais le faire quand les boîtes vont être sorties puis placées. Excellent. Parce que je suis curieux. Mais il y a comme un lit suspendu avec des chaînes puis il y a une porte de ouais, c'est, tu vas voir. Y avait-tu un rack à god sur le mur aussi? Non, pas encore. Mais... on va attendre qu'ils grandissent là, puis on va mettre ça. Mais non, j'ai d'acheter une maison, une très grande maison, je suis content, c'est chez nous, je vais faire des rénos pour moi, pas pour un petit appart minable ou une maison louée ou de quoi pour un propriétaire cave. Fait que ça c'est quelque chose, mais j'en parlerai une autre fois si je fais de quoi de même. Mais sinon, je voulais parler de ma PS Vita. Je viens d'acheter comme un retard, une PS Vita, comme 5 ans après qu'elle est sortie. Fait que tu l'as eu à un bon prix. J'ai eu un très bon prix. Je checkais pour le fun les liquidations, s'il y en avait. Puis j'ai pogné un Walmart près de chez nous. C'était genre annoncé 300$. Puis là, c'est comme, ah, il n'a pas. Puis je vois une place, ça dit Lachenaie, pas trop loin de chez nous, comme en bas. C'est dit, ah, ici, il en a deux, puis ils vendent 160$. Je suis comme, what the fuck? Fait que je m'ai rendu compte que, dans le fond, il annonçait le plein prix, mais que toutes les places qu'il n'avait, il était en liquidation, puis il vendait 160$. Fait que quand je checkais en stock, je crée, c'est comme une vente non annoncée. Mm-hmm. Je sais pas comment dire ça. Fait que j'ai fait, fuck off, je vais aller... J'avais eu mes impôts. Fait que puis là, tu joues à Rocket League chez vous? Non, je joue pas à Rocket League. Je joue à tous mes jeux parce que vu que depuis que je suis abonné à PSN Plus, je downloadais, même si j'avais pas de PS Vita, tous les jeux gratis de PS Vita à mon compte. Fait que là, je suis arrivé chez nous, je m'ai logué dans mon affaire puis j'ai downloadé comme 25 jeux gratis. J'ai pas pensé à faire ça. Je m'ai dit un jour, peut-être je vais en acheter une. Ça faisait longtemps que j'en voulais une puis là, j'ai pogné le deal. Fait que là, je suis comme en train de jouer à des jeux. T'as essayé le Remote Play avec ta PlayStation? J'ai essayé, mais j'ai pas joué un jeu. Ben, j'ai joué à Broforce comme 10 minutes, là, tu sais. Ouais. Mais j'ai pas essayé The Division, là, tu sais, un gros jeu. Un jeu qui pourrait Mais ça marchait super. Ouais, c'est ça, là, un gros jeu. Là. Mais sinon, ça marchait super bien. Puis j'ai bien aimé ça, mais là, je suis tout le temps avec ma PS Vita, puis. Je me sens un peu retard parce que sauf qu'en même temps je me dis là j'ai tous les jeux accessibles à moi puis ils sont tous pas chers parce que ils ont tous baissé de prix puis tout fait que c'est comme c'est cool pour moi là tu sais ça va faire non si t'avais un jeu à recommander dans ceux que t'as essayé à date si ta PS Vita ce serait lequel à date j'ai joué beaucoup à j'ai fait les deux Hotline Miami ben oui j'avoue j'ai fait les ça c'est fait pour être joué on avec dirait que j'ai vraiment là j'usé c'est ma PS4 puis tout puis c'est comme c'est cool mais comme tu dis là c'est là-dessus c'est... Ah ouais, là, c'est vite. C'est le soundtrack de ces jeux-là. Puis, ah, mais il est vraiment bon. Ah ouais, puis il crache, là, le PS Vita, là, c'est niaiseux, là, mais j'ai mis le son. Puis tout, puis, c'est une belle console qui a été sous-exploitée, je trouve, parce que le monde était très réticent de cette console. On dirait qu'ils l'ont jamais bien vendu. On présente la même affaire. Excusez-moi. Non, vas-y. On présente la même affaire de la PSP aussi. Ouais, la PSP aussi, j'avoue. C'est la première avant. Qui était écœurante. Tout le monde se garoche sur qu'est-ce qui est DS ou 3DS ou ces affaires-là, mais personnellement, j'ai les deux, puis j'aime déjà plus ma PS Vita, les jeux, toutes les livres, elle va mieux. Puis, moi, j'étais en amour avec le concept du 3DS, puis à chaque fois, achète, revends. Je suis pas capable de la garder, ma 3DS. On dirait que je me tanne puis je la flobe. Ça dépend des jeux. Tu vois, Zelda m'a vraiment embarqué pour un long run. Puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, s'il y a un autre jeu de ce type-là qui sort, je veux pas avoir à me racheter une 3DS. Ouais. Mais j'ai fait la même affaire. Je pense que j'ai eu trois modèles de 3DS avant de pogner celle que j'ai en ce moment puis que là, je veux pas laisser. Mais ce qui est cool, la 3DS I, après, je suis comme, fuck! Mais ce qui est cool, en plus de la 3DS, par exemple, c'est que côté valeur de revente, c'était la console parfaite pour moi qui se décidait pas parce qu'à chaque fois que je la revendais, je perdais pas full de cash. Non, c'est ça, c'est tout ça. Tout le monde veut en acheter une. C'est comme si tu le louais à long terme pour 20$. Exactement. Tu perds 30$, puis sinon... Crème, mais c'est cool. Non, mais je suis vraiment content. Mais aussi, je joue à Terraria, puis j'ai Bastion là, qui me tente en maudit, que je l'ai gratis, lié là. Bastion, j'ai ça, c'est débile, jeux, ça. C'est fou, sérieux, j'ai trop de jeux. Bastion puis Transistor, là, c'est deux jeux que j'ai tellement adoré, là. Ça, c'est de la folie furieuse. Le là. Jeu d'affaires que tu construis ta catadule, puis affaires de même, Bastion, Bastion, c'est un genre de RPG adventure. C'est un isométrique. Qu'est-ce qui est cool, c'est que c'était un des premiers jeux où toute la trame de l'histoire, c'est une narration. Fait que, you picked c'est up your qu'est-ce ass. Tu fais, he c'est walked ça. In. Okay, and he destroyed. He got into a fight. Puis la voix est super cool. Puis le soundtrack était tellement. Des fois, il y a des bouts, genre, tu tombes dans un trou. Tu sais, c'est comme, and he fell to his death. Oh no. Pouf, tu réapparais. Un comme... peu à la Stanley Parable. Ouais, c'est ça. Oh, he turned his left. Oh, et Nelly, il s'adapte à tes mouvements, pis tout. Puis c'est comme vu que c'est un jeu un peu plus long run, là, je finissais mes Hotline Miami, puis là, bientôt, je vais m'embarquer là-dedans. Il semble qu'il y a Isaac aussi, Binding of Isaac, il est là-dessus. Ouais. Okay. Fait que c'est le moment de s'acheter une Vita, finalement. Ben, si t'en trouves une pas chère, moi, je trouve ça vaut la peine. 160, ça vaut la peine. Mais si tu le permets, Joe, tu sais, une Vita, ça aurait été le stock qu'il me fallait, moi, pendant mon actualité. Je sais pas si t'avais d'autres sujets que tu voulais couvrir. Je voulais dire que je suis rendu sur Snapchat en maudit avec à cause d'Éric puis Mathieu Gosselin, là, mais... Notre fin de semaine, t'as tout a changé, là, pendant notre week. Moi, ma vie a changé. Mathieu Gosselin, le petit... Il s'est fait convaincre de le prendre un soir, puis finalement, il l'a fait. On avait une fin de semaine à Québec là, pour du gaming avec du monde, puis il était dessus toute la soirée. Puis je pense que Milton, c'est le premier que j'ai vu manger un sous-marin sur Snapchat. Mais en tout cas, je suis juste triste que mon sel, il marche plus. On va le prendre. Ben, tu sais, c'est un peu ironique que tu parles de ça, parce que tu parles de Vita, tu parles d'un sel qui marche plus pendant 8 heures, tu parles de Snapchat. Tu sais, moi, mon actualité est un peu weird cette semaine, mais tu sais, moi aussi, je reviens de 2 semaines de vacances, puis. First world problem, j'ai voyagé, mais j'ai voyagé, c'était con, j'étais allé à Cuba, puis j'ai eu une semaine sans c'était internet. C'était con, j'étais allé à Cuba. Non, mais c'était le fun, mais j'ai eu une semaine sans internet. Ouais. Puis j'ai eu une semaine où, tu sais, des fois tu t'en sacs de pas avoir le net, tu fais bah fuck it, puis c'est pas grave. Mm-hmm. Puis j'ai décroché dans le métro. Vois, gars, métro. Toi, pendant 8 heures de temps, là, t'es déjà en train de capoter. J'allais vivre ma semaine sans internet, puis je vais jeter à Mascouche ou Laval. Hey, écoute, je suis là-bas, puis là, je décroche solide. Puis un moment donné, je réalise, je fais ouais, je vais jouer à Kingdom Hearts sur mon sel. No network connection. Bon, Kingdom Hearts marche pas. Ok, pas de trouble. Là, un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive sur le bord de la piscine. Hey, vous ça, Prince est mort. Fuck, Prince est mort. Là, je fais comme tabarnak, man, je suis bien déconnecté. Là, je capote. Il s'appelle, le gars, il s'appelle Twitter là-bas. C'est ça. L'autre, il arrive, il fait salut, je suis les médias sociaux de Cuba. Juste pour vous dire. Prince est mort. C'est ça. Puis League of Legends, ça suck. Mais quoi? Le gars, dans le fond, il show. Hey, Prince est mort. Il est mort de quoi? Hey, je sais pas. Puis là, tu sais. Le premier réflexe que j'ai la main qui se dirige vers ma poche, je suis comme « Non, non, non, t'es dans la piscine. » J'ai le gars encore, là, il imprime des memes sur des faits, puis il est dans le... Man, je pense que je vais faire ça au prochain you resort. Mad, bro, je vais me promener avec des memes puis des shit. Mais tu sais, là, t'as ça, puis là, je pense que c'était quoi, c'était 48 heures avant, un moment donné, t'as un dude qui arrive, puis il fait « Hey, vu ça, Trump est rentré comme un malade dans l'État de New York, puis quoi? Crèche, je suis bien déconnecté. Ouais. » Fait que j'ai passé une semaine où... J'étais déconnecté mes rêves, puis j'ai passé au travers toutes les phases, tu sais, la phase de bon, je le remarque pas, j'en ai vraiment de besoin. J'en ai pas de besoin, je suis en crise, j'en reviens. Négociation en tabarnak. Ah ouais, c'est ça. L'acceptation. Puis le pire, tu sais, ma copine est avec moi, puis elle, en plus, tu sais, là, elle est Snapchat en passant, c'est une de tes grandes fans sur Snapchat. Oh, Joe, elle check tes stories, puis elle rit tout le temps. Mais elle, c'était la même affaire, tu sais, à tous les shots, elle était comme, tu le voyais que ça a démangé, elle était comme, Instagram marche pas, je peux pas connecter mes données, mes affaires de même. Puis, tu sais, c'est vraiment con, mais à la fin de la semaine, j'étais super zen, j'étais vraiment relaxé. Je suis revenu ici, puis là, j'ouvre mon ordi, après avoir fait du ménage, je te quitte, là, puis là, OK, je suis à l'air, je suis chez nous, c'est propre, j'ouvre l'ordi. Et là, le web QC me rentre dedans. Là, t'as le fils du gars des dragons qui est mort en suicidant sur Twitch, puis là, ça fait un shitstorm, puis tout le monde se fait. C'est pas ça, exactement. Ben, c'est ça, mais en tout cas, regarde, t'as plein de shit, man. T'es en train de poursuivre Amazon. T'as plein de styles d'affaires qui pop, puis je suis comme... Puis là, j'ai vu tous les pseudo-débats où tout le monde insiste à donner leur opinion, puis je suis là, puis... Puis là, j'ai juste fermé l'écran, puis je suis reparti lire un livre dans le salon, puis j'ai eu mon moment de zénitude. Tu sais, ça a vraiment fait... OK, finalement, t'as passé une semaine sans ça, t'es capable de te passer de ces débats-là. Puis tu sais, c'est con, vous l'avez dit dans les jambons, et avec Cédric, les boys, le web est rendu lourd un peu, puis on dirait que quand j'étais à Cuba, ce qui me manquait du web, c'était l'interactivité. Tu sais, j'étais comme, hey, j'aurais vraiment aimé ça. C'est quand on dit, j'ai installé Instagram sur la tablette de mes parents, parce qu'à chaque fois que je vais en voyage, d'habitude, je mets des photos, puis au moins, eux autres, ils peuvent voir qu'est-ce qui arrive en voyage, puis ça leur donne des nouvelles, puis tu sais, ça m'évite d'arriver avec le laptop chez eux après, puis faire, bon, alright, m'a vous montrer les photos de voyage. Mais là, la question, c'est, t'as-tu laissé l'application sur l'iPad de tes parents? Parce que t'as des affaires fucked up qui vont apparaître sur ton Instagram dans les prochains jours, man. J'avoue que là, la prochaine shot que je me prends en photo drunk au volant, non. c'est juste, tu sais, je m'ennuyais de l'aspect joyeux du net. Ouais. Je m'ennuyais de. Je peux pas jouer à Kingdom Hearts. L'aspect connecté, quand t'es connecté, puis tu sais, mettons que ton pote fait telle affaire, ou tel gars fait telle affaire, ou un de tes amis fait tel truc, même si t'es pas avec eux autres. T'as l'impression un peu de cheminer travail avec eux autres, en parallèle. Carrément. Mais l'aspect, tout le monde se chie dessus, moi, regarde, je pourrais m'en passer. Hey, c'était incroyable. Tu sais, c'était vraiment... c'était vraiment, tu sais, tout le monde... Puis moi, je vais juste dire quelque chose. Puis ça va sonner très prétentieux du gars qui a acheté des micros pour s'enregistrer, pour mettre sa voix sur Internet. Là. Mais okay, tu nous as préparé. Mais go! C'est pas tout le monde qui mérite une tribune dans la vie. Puis malheureusement, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est rendu vraiment... L'Internet est lourd parce que les gens prennent ces tribunes-là pour acquis. Moi, c'est con à dire, mais une des plus vieilles paroles que j'ai reçues de mes parents, puis c'est très cliché, mais c'est « si t'as rien de bon à dire, femme ta gueule mm-hmm. ». Ils ont volé ça à Patrick Huard, je pense. Carrément, tu sais, tu fermes ta gueule. C'est ça. Mais le monde... Hey, c'est vous quoi? Pensez à Patrick Huard sur Internet avant de faire « send ». Pensez avant de donner votre opinion... Tu sais, est-ce que, d'un, est-ce que c'est plausible, puis est-ce que c'est lisible surtout, tu sais, y a-tu de la ponctuation, y a-tu un sujet, verbe, complément, tu sais, y a-tu une structure là-dedans, puis de deux, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller s'ostiner avec le monde sur tout, tu sais, c'est ça qui rend l'Internet lourd un peu. Mais ça dépend. C'est le fun, s'ostiner avec du monde un peu, tant que c'est prêt à la légère. Ben c'est ça, mais comme c'est pas tout le monde qui a ce discernement-là. Quand est-ce que c'est prêt à la légère sur Internet? J'ai eu une très bonne discussion avec un monsieur l'autre jour sur quel Aladdin était le meilleur entre celui au Genesis ou au SNES. Mais là, c'est sur Genesis. Ben je l'ai complètement démoli, je l'ai prouvé, il y a plein de monde qui l'ont dit, mais il n'a pas changé d'opinion. J'ai dû accepter sur le fait que... Mais c'est pas la même affaire. Mais à la limite, tu vois, de m'envoyer un friend request après. Ça, c'est cool. Mais tu sais, c'est que le monde sont plus capables de un. By the way, bon choix, Ben. Je vais dire. Très bon choix, c'est le Genesis. C'est bon. On te demandera pas de quitter finalement après l'actualité. Okay, c'est bon, le début d'une ère était le Aladdin au Genesis. C'est tout ce que je vais dire. Ouais. Mais en gros, c'est ça. C'est juste, comment je peux dire ça? Arrêtez de prêter un ton de voix à ce que vous lisez. Arrêtez de voir ça, tout comme c'est agressif. Impossible. C'est incroyable. Take a step back. Allez lire un livre. Il commence à faire beau, là. Sortez dehors. Mettez votre selle de côté un peu. À la limite, prenez-le. Parlez aux gens que vous aimez. Mais arrêtez de vous pogner, man. Puis pour des hosties de picadilles. C'est incroyable. Allez, ça, Snapchat à la place, le monde, il poste aucune opinion, là. C'est ça. C'est à part faire « Ah, c'est le fun! » Ça finit là, il n'y a jamais personne qui fait « Bon, je vais vous faire la morale aujourd'hui. » Attends une seconde, les sœurs Boulay, Milter. Ouais, mais c'est pas rien de méchant, là. C'est quoi, une opinion, c'est oui, mais je parle, c'est 10 secondes, là, c'est overrated. Quoi, pour les gens qui se demandent qu'est-ce qu'on veut dire par les sœurs Boulay. Outré. Les sœurs Boulay. Ben oui, je on vous invite avant, à ajouter Jonathan Milter. Ajoutez-moi Snapchat. Zombie M. Mais en gros, c'est ça. T'sais, mon actualité, c'était plus, j'ai découvert qu'il y a de la vie au-delà d'Internet. Hein? Tu me niaises. C'est incroyable. Moi, sais-tu quoi? Des fois, je me demande qu'est-ce qu'on ferait sans André. C'est incroyable, hein? C'est fou. Tu vois? Il troll, là. Je sais embarque qu'il troll. Embarque pas. Je suis embarque le dernier qu'il faut que tu expliques ces choses-là. Non, non, mais tu sais, c'est pour ça que je me suis tapé une tribune. Je commence à m'habituer à lui, genre. Je commence à savoir quand il niaise. Il est content, il niaise. Comme là. Ben! Ouais, ben en fait, je voulais pas vous laisser tomber. J'ai pensé à un petit truc qui m'a allumé. Oh. J'ai pas encore parlé sur mes tribunes. Finalement, ça a passé rapidos. Mais là, t'as Jon Favreau, qui est le réalisateur de Jungle Book, qui est en train de faire une promotion pour son film, qui d'ailleurs fonctionne super bien pour Disney. Il paraît que c'est vraiment cool, une espèce de mélange entre le classique des années, bon, il y a plusieurs années de ça, puis un ton vraiment sombre. Ils ont gardé le côté comédie musicale aussi, ouais, qui bon, doit bien fitter. Puis t'as fucking Bill Murray dans le film qui joue Baloo. Fait que moi, il faut que j'aille voir éventuellement ce... Bill Cosby fait le serpent aussi, apparemment. C'est ça, il te dragon tranquillement. C'est pas Bare Necessities? Wow, t'es en feu, toi, soir! Trop de références. Mais ce que je trouve malade, c'est que moindrement, un réalisateur a travaillé par le passé avec Marvel, même si maintenant il fait une comédie romantique, whatever, on y reparle de l'époque qu'il a fait des films avec Marvel. Puis ce que je trouve malade de Jon Favreau, moi j'adore Elf, tu vois, en passant. Attends, il parle zéro de Maid. Hein? Il parle pas de Swingers, il attends, en parle attends, pas. Non, non, okay. Non. Mais mélange pas les cartes, toi, là. Mais le dude a quand même réalisé le film qui a ouvert la porte à tout l'univers étendu de Marvel en 2008 avec Iron Man, qui était un crisse de bon film. Mm-hmm. Le 2, il y a plusieurs erreurs. Tu sais, on dirait que c'est pas aussi satisfaisant que le deuxième. Reste que le premier, c'est un crisse de bon film. Il y a des bouts que j'aime beaucoup dans le 2, mais comme ouais, tu dis... C'est un peu inégal. Ouais, c'est l'ensemble, l'âme est pas aussi intéressante que le premier ouais, film. Exact. Puis Jon Favreau, c'est le seul dude qui non seulement a déjà réalisé, qui a joué dans le film. Il joue Happy Logan, le garde du corps de Iron Man, Tony Stark. Ben, en plus, il est rendu producteur exécutif. Donc, il a travaillé sur les films qui ont suivi par après. Et durant une entrevue avec lui, on lui a demandé, pensez-vous éventuellement revenir maintenant, quand même 8 ans plus tard, à l'univers de Marvel? Puis là, je paraphrase sa réponse, mais ce que je trouve intéressant, c'est que le gars, il est encore impliqué dans le truc. Tu vois que ça y plaît encore. Il y a des amis chez Marvel. Et il était pas fermé à l'idée. Ça dépend du IP, donc ça dépend de la marque. Est-ce que c'est un Iron Man 4? Est-ce que c'est un autre film? Pour l'instant, il est rattaché à absolument rien. Il va travailler comme producteur exécutif sur les prochains Avengers Infinity War Part 1, Part 2 qui s'en viennent dans 2 ans. Mais sinon, il y a rien. Mais il est pas fermé à l'idée. Puis en plus de ça, Robert Downey Jr., dude qui, depuis des années, dit « Hey, je veux pas être dans Iron Man 3. Après Iron Man 3, il y a rien. » Pour la première fois, il a posé une question. « Serais-tu intéressé à un prochain film? » Il dit « Ah, je pense qu'il m'en reste un. » Puis moindrement que vous suivez ce que Robert Downey Jr. dit dans les dernières années, c'est pas des trucs qui pitchent comme ça de façon aléatoire. Ah, il est pas comme Hugh Jackman. Non. Il en pitch, puis souvent, c'est parce qu'il soit il veut négocier, ou soit il sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Fait que peut-être que je suis en train d'extrapoler, mais le fait que les étoiles en ce moment s'alignent pour un retour de Jon Favreau, que ce soit en tant qu'Happy Logan ou en tant que réalisateur pour Marvel, je trouve ça vraiment cool. Puis je dois juste réaffirmer une autre fois de plus, parce que moi, j'adore Marvel, les gars. On a un film de Marvel minimum une fois par année, puis des films qui, somme toute, sont intéressants. C'est cool, on n'a pas à se plaindre en tant que geek en ce moment. On a la bouche pleine, on est comme si ça manque un peu de sucre. Non, man, on est vraiment, vraiment choyé. Puis c'est ça. Moi, je veux voir Jon Favreau. Go for it, man, je suis partant. Parlant d'être choyé, je voulais avoir ton opinion sur quelque chose parce que je viens de penser aussi dans l'actualité, il y a quelque chose de quand même cool. Je sais pas si t'as vu les photos de Rita Repulsa sur le set de Power Rangers. Ouais, j'ai vu, ouais. Je suis intrigué par le costume, on dirait. Moi, j'ai rien contre ces affaires-là. Tu sais, il y a des appropriations, puis c'est correct, puis. Chris, la Rita Repulsa des années 90, c'était du vieux footage. Des années 70. Des années d'avant, c'était gris. Tu voyais tout de suite que c'était pas filmé dans le même environnement. Puis là, on fait un film, c'est sûr que tu peux pas adapter la même chose. Il y a du monde qui se sont enflammés. Il y aurait des manières de le faire, mais c'est tout un autre chose. C'est différent. Mais je trouve, moi, tu vois, c'est con à depuis le début qu'ils ont annoncé qu'ils faisaient un reboot de Power Rangers. Ouais. J'ai été très titillé par ça. Puis là, out of nowhere, moi, je reviens de vacances, justement. Puis là, je vois ça. Hey, les premières photos du nouveau costume de Rita Repulsa. Puis je check ça. Le casting m'a surpris, en plus, parce que je savais même pas c'est que c'était... C'est Rachel... Elizabeth Banks. Elizabeth Banks, c'est ça. Puis Elizabeth Banks dans Rita Repulsa. Puis là, je fais, OK, le casting est intéressant. C'est bon, ça, ouais. Puis en plus, le costume, il est intéressant aussi. Fait que, tu sais, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme « fuck, ok, ouais, ça vient de prendre un... » Tu sais, c'est pas Ivan Ooze qui va arriver, là, puis... Mais Banks, en plus, après son Hunger Games, je trouve, là, ça marcherait... Comme tu le vois tout de suite, bonne dans Hunger Games. Elle était super bonne dans Hunger Games. Je trouve ça plate que on juge un film par rapport à un cliché qui a été pris au loin qu'une lentille un plateau de tournage quand t'as pas l'emballage autour. Tu sais, moi, on a fait des blagues. On peut commencer à faire des blagues sur le nouveau Apocalypse qui s'en vient. Mais le gars, il a jamais autant looké quand on l'a vu avec le reste. T'sais, initialement, quand on a montré les costumes, le monde, il capotait. Il voulait s'arracher la tête. Justement, quand Ivan le cosmic qui est fait. On n'a pas encore vu le film. Puis c'est quand même Oscar Isaac qui va le faire. Le dude qui nous a offert Poe Dameron, qui est super bon. Ex Machina. C'est comme que le monde il chialait ses photos du premier Ninja Turtle. C'était juste un gars avec un sac à dos. Avec des points. On s'entend, là. C'est qu'on dirait, c'est qu'en tant que culture, on s'approprie tellement à ça. Mais Power Rangers, tu sais, direct en partant, ils peuvent pas faire pire que le premier film, qui était bon dans son cheesiness. Ils peuvent pas. Mais je suis vraiment en train de me hyper. Mais c'est parce qu'il faut qu'ils balancent le cheesiness et le fun. Ouais. Parce que tu peux pas avoir un Power Rangers sérieux. Désolé, là, si ça se prend trop sérieux, je vais revirer fou. Faut que ça soit très conscient. Ça marche dans le cadre d'un court-métrage fait par un fan, mais un film complet dark Power Rangers. C'est ça, je le vois pas, ça. Je le vois pas. Peut-être que ça pourrait être le fun. Ouais. Mais pour la brand, ça marchera pas. Non, c'est ça. Moi, je veux le Power Rangers Assemble. Là. Je veux toutes ces affaires-là. Je veux des animations. Comme tu peux pas avoir un film de ça sans. Comme Power Rangers, j'ai jamais été un gros écouteur de Power Rangers, mais je sais c'est quoi la formule que ça suit. Il faut le comedy relief aussi du duo. Mais ça dépend parce que tu vois. Ben, moi, je veux ramener les mêmes gars qui le faisaient. Bulk and Skull. Ben, des nouvelles séries, Bulk qui est encore là, le gros. Puis Skull, il est remplacé par. Souvent, ça change. Je le sais parce que. Attends, mes gars, Bulk est revenu. Il est encore là. Mais là, le gars, c'est le genre de fils à Skull, puis il l'appelle Uncle Bulk, puis il va chez eux, puis il habite dans le garage. Attends, ce gars-là, il est encore là. Parce que je sais qu'il est parti, il est vraiment resté très longtemps. Ouais, il était dans l'espace, puis il est encore là. Peut-être moi mes gars ils écoutent ça sur Netflix là, fait que peut-être fois tu sais je pense que même mais dans les dernières séries aussi parce que dans les derniers je pense là j'ai de la misère parce que j'écoute je fais un coming out là, j'écoute les Sentai aussi qui est la version japonaise. OK cool, fait que je refais un autre coming out. Je suis sûr que coming out je suis comme j'ai un petit peu de knowledge dans Power Rangers. Ben, quand tu vois, même, pis je trouve que... t'as-tu dit j'écoute du hentai? Non, Sentai. Okay. Non, le hentai, ça, je fais jamais de coming out avec ça. C'est du tentacle Power Rangers. Mais non, mais c'est ça, mais c'est que... ce que je trouvais cool, justement, c'est quand ils ont fait la dernière série, ben pas la dernière, mais l'avant-dernière, pis là, t'avais le Great Ranger Wars, pis tous les anciens Rangers arrivaient pour se battre. Parce que ça, quand tu suis les Power Rangers en télésérie, même si c'était une série qui était... c'était très cartonné, on s'entend, c'était un peu boboche. Il y avait véritablement une mythologie qui s'installait. Puis quand il y avait des Power Rangers qui quittaient, ça pouvait arriver que deux séries plus tard, je te parle pas de saison, mais deux séries, mettons, ils revenaient pour faire un petit caméo. Puis c'était vraiment badass. Ça ressemblait à quelque chose qui arrive dans les comics. On s'entend de Tommy Spider-Man. Quand il revient, là. C'est nice, là. Fait que, non, c'est vrai que j'ai entendu du nouveau film que la Yellow Power Rangers va être une zombie. Tu veux dire ça parce que la fille est morte? C'est ça, c'est pas correct ça. Es-tu morte pour de vrai? Ouais, Trini est morte. La fille qui est allée à deux niveaux de. Sur ses niveaux de dérapage. Je pensais que le film avait été tourné, que la fille qui avait tourné le rôle était morte pour de vrai. Non. À la Paul Walker. Trini est morte. Ouais, Trini, ça je savais. C'est malade. Ben, sur cette blague de très bon goût, on va aller à la courte pause, puis on va avoir Guillaume. Qui nous écoute présentement live de sa voiture pour pas interrompre le chat. Guillaume, tu peux venir nous rejoindre. On revient après cette courte pause pour le sujet principal qui va être parler de Ben, finalement. Texte pas en conduisant, Guillaume. Là. Donc, de retour dans 10 minutes sur Twitch. On va vous mettre un petit peu de music. De retour de cette courte pause ravitaillement. Et maintenant, salut Guillaume! Salut! Alright, on t'a laissé sortir de ton char, là? Oui, j'ai sorti ma pénitence. Excuse-nous, l'actualité a dépassé un peu le temps escompté, mais merci de t'être déplacé quand même pour te joindre. Je manquerai jamais ça. J'ai mon espèce de petit fantasme assis à côté de moi, là. Je dis même, c'est aucunement malaisant. C'est ça qui est assez. Je pense que je vais y aller. De frotter son. Non. Je ne voulais pas manquer ça quand même. C'est un sujet qui me passionne et auquel je tiens. Ben, justement, le sujet de ce soir, Ben, écoute, on t'a invité, premièrement, chic type. Deuxièmement, chic type avec du vécu dans le podcasting. Tu veux dire, je suis vieux, c'est ça que tu veux dire? Non, aucunement. Je dirais jamais ça. Écoute, ça sent bien. Si t'es si vieux que ça, je vais aller me mettre du Selsun Blue dans ma barbe parce que je commence à grisonner un petit peu. Mais le Selsun Blue, c'est un shampoing anti-pellicule. Ouais, c'est une teinture. Ah, c'était quoi l'annonce, là, d'abord, là? Just for Men? Just for Men, ouais. C'est OK. Ça. Avec le petit pinceau, ouais. Fait que je vais aller me mettre du Just for Men. Ça sonne wrong, dire je vais me mettre du Just for Men dans ma barbe. Hey, just 5 minutes. Garde ça gris, les filles millennials. C'est ça le tagline. On voulait vous parler, dans le fond, de grisonner à l'âge de la trentaine. En fait, c'est un épisode gériatrique de podcasting ce soir. Fuck you! L'ironie. Non, mais je nous inclus là-dedans. En plus, de l'ironie de tout ça, le plus vieux, il n'a même pas de barbe. Il ne peut même pas en avoir. Ah, puis l'ironie de tout ça, en plus, il a été écarté tantôt. Éric, qui, pendant des années, n'arrête pas de nous envoyer chier à cause de la barbe. On est au dépanneur pour acheter de la bière tantôt. Faut que j'en compte, là. Puis t'as Éric qui dit, c'est quoi, lui, tu le cartes pas? Non, lui, j'ai pas besoin de le carter. Lui, tu sais, il a de la barbe. Puis là, elle dit, puis là, pour être même, elle fait, lui non plus, je l'aurais pas carté. Puis t'as mon Éric qui est là, puis. Fuck! Hey, j'avais mes lunettes à soleil pour m'acheter une caisse de Mill Street. Si quel kid s'achète une bière à 4,3%, puis j'ai mes lunettes à soleil, puis elle me regarderait dans les lunettes à soleil. Avec tes lunettes à soleil, t'as de l'air en bas de 18 ans. Râler comme un compliment. J'y montre mes yeux, je suis comme, j'ai-tu de l'air plus vieux, là? Hey, non, faut que je sors ma carte. God. Braler comme un compliment. C'était pris comme un compliment. Tout le magasin le su. Tu t'aurais été là, t'aurais vu ça. On disait ça à ta blonde. Madame qui disait après qu'elle voulait pisser dans les bars. Non, elle parlait de son chum ou quelqu'un dans sa famille qui a juste la petite pistache en dessous du dans ça donne envie de pisser dessus, quand même. Elle a l'envie d'y pisser dessus, puis elle a fait son cock grab, mais elle a pas de cock. Elle a juste le vagin qui pisse. Ok, c'était dépanneur high class, là. C'est juste à côté. Couche-tard à Laval. C'est ça, c'est juste à côté. En fait, comme j'expliquais, il y a comme un... On est à un arrondissement. On est comme aux limites de Laval-Ouest, Pont-Vieux, puis Chamédé. Fait que tu sais, t'es comme dans l'épicentre de la classe. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme ici, là... C'est comme si toutes hashtag les sous-cultures se rencontraient, puis qu'il y avait comme une érosion culturelle de pas de classe. Mais le loyer est très abordable, par exemple. C'est pour ça. Bon, on va revenir à notre show, là, parce que c'est quand même assez important. Mais épisode ce soir, on va parler podcasting, on va parler de ton cheminement avec les mystérieux, on va parler d'un paquet de trucs. Mais premièrement, là, Benoît, pour ceux qui nous écoutent puis qui te connaissent pas, parce que ça arrive des fois que les gens écoutent un podcast et en découvrent d'autres, Benoît, tu sors d'où? T'es qui? Tu fais quoi? Je suis Benoît. Je fais un podcast qui s'appelle Les Mystérieux Étonnants. Ça fait 10 ans que je fais ça. Ça fait 10 ans en janvier, en fait. Et c'est un podcast qui est dédié à l'univers de la culture populaire. Donc, c'est les BD, c'est les jeux vidéo, c'est tout ce qui touche de près ou de loin aux trucs geeks. Mais en fait, tu nous as copié. Ouais, c'est ça. Okay. J'ai anticipé pour copier Geek Collectif. Mais c'est un podcast qu'on a lancé, je te dirais, c'est ça, il y a 10 ans, quand moi j'étais à l'université à l'UQAM. Je travaillais à l'UQAM, j'étais graphiste pour la radio web de l'UQAM. Puis à un moment donné, la radio web a commencé à faire du podcast. Puis c'est très peu connu, mais Choc, c'est un des premiers organismes qui a commencé à faire du podcast au Québec, avant Radio-Canada, avant les gros, les majors, qui même encore aujourd'hui tardent à rentrer dans le podcasting. Les hipsters du podcast. Ouais, les hipsters du podcast, mais c'est pas... Ils appelaient ça du podcast? Ils appelaient même pas ça du podcast. C'est la radio web. Ils appelaient ça la radio web, pis ça a été très très longtemps pas assumé. Parce qu'ils voulaient leur licence FM, pis... Non, vraiment pas. C'est à la base, quand la station a été lancée, oui, ils voulaient leur licence FM, c'est ce qui a fait, ils sont allés sur le web, mais quand ils se sont rendus compte finalement qu'il n'y avait pas d'antenne disponible à l'époque, là, je sais pas ce que c'est aujourd'hui, ils se sont dit, on va aller vers le web. Puis tu faisais un show, ton show est archivé directement sur le site internet de la station. Et par après, quand l'administration a changé, qu'on a changé de logo, on est allé sur Sainte-Catherine, ils ont dit, ben, on va rentrer là-dedans la notion de fil RSS qui était comme toute nouvelle. Tu sais, c'est vraiment très, très, très, très récent. Et moi, je travaillais là-bas comme, c'est ça, Edimes, graphiste, je faisais partie de l'admin. Puis j'avais des conversations de, tu sais, style geek avec le monde qui était là-bas. Puis à un moment donné, je me disais, Chris, j'ai goût d'en pousser cette conversation plus loin. Anyway, je parle avec les gars qui sont là. Ben, on va faire un podcast sur les mystérieux. Les mystérieux étonnants qui étaient. On parlait surtout de BD au début. C'était une heure. Au début, c'était le vendredi. Puis, au fil des années, ça a continué. Les gars sont partis. Moi, je suis resté. Puis à ce jour, c'est ça, 459 shows. Et je suis le seul membre original. Mais tu sais, comme toute ma vie s'est orientée, je te dirais, autour du show. Le monde dans le show aujourd'hui, c'est mes amis, c'est du monde avec qui j'ai du fun. Et c'est à chaque semaine, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, là, tu dis, t'es le seul membre original. Mm-hmm. Là, je sais que vous faites beaucoup de spéciaux aussi. Vous faites des spéciaux de Noël, vous faites des spéciaux d'Halloween, vous avez fait des prestations live aussi. Ils ont des marionnettes. Moi la grosse. Les marionnettes, c'est quand même assez malade. Ouais. Mais tu sais, pour mettre en contexte, tu dis 459 épisodes. Ouais, c'est ça. 459 épisodes, 10 ans de podcasting. Selon toi, là, tu sais, il y a sûrement eu des changements en 10 ans qui sont faits autant au niveau de votre show, autant au niveau de la technologie, autant au niveau du monde aussi. Ouais. Comment tu vois le podcasting 10 ans après, puis est-ce que tu te relancerais encore dans la même aventure? Ah, absolument. Sans hésitation. Sans hésitation, je pense que je suis un de ceux. Moi, j'ai rien à perdre dans le sens que j'ai pas de famille, j'ai pas de carrière, mais on dirait que j'ai tout mis sur le podcast. Pas parce que je pensais que j'allais devenir riche avec ça, mais c'était tellement nourrissant. J'ai tellement rencontré du monde puis participé à des projets à cause des mystérieux étonnants. Fait que quelqu'un me dirait, tu sais, tu vas vivre ça si tu relances un nouveau podcast ou tu peux gagner. Ah, j'hésite même pas. Tu sais, ma vie est pas beige à cause de ça. Tu sais, la vie fait que je peux aller à Laval un mardi soir. Hey, tout un privilège. Non, mais c'est ça qui est nice. C'est rencontrer du monde que je vous aurais jamais croisé dans la vie, les gars. Ouais. Si ce serait pas du podcast, si on n'aurait pas été avec Arcane Montréal, avec les gars de Rétro Nouveau. Fait que c'est comme un prétexte à faire des rencontres. Puis au fil des années, je me suis rendu compte que j'avais du fun à faire ça. Ma semaine était souvent basée en fonction de mon lundi. Si mon show, puis je suis super critique de mon show, si mon show du lundi a mal été, ou j'ai bafoué, ou j'ai trouvé que c'était plate, ma semaine déteignait de ça. C'est une case horaire dangereuse. Ouais, vraiment, mais en même temps, ça part bien, la semaine, ça part bien. Ouais. Si ton lundi est bon, ton lundi est bon, ton reste de ta semaine est pas mal bonne. Ouais. Fait que toi, dans le fond, c'est pas nécessairement quel pied touche en bas du lit en premier, c'est plutôt la prestance derrière le micro qui va dicter la cadence. Ah oui, c'est vraiment ça. C'est si comment ça s'est passé, on a-tu eu du fun, puis j'ai vraiment une obsession. Je veux que le monde autour de moi ait du plaisir. Puis c'est, je sais pas si vous avez vu le podcast, le documentaire sur le podcast de Dan Harmon qui s'appelle Harmon Town. C'est un podcast qui est enregistré à Los Angeles dans le backstore d'un comic shop. Oh, wow. Que le Nerdist utilise entre autres pour leurs vidéos pis ce genre de choses-là. Puis il fait une espèce de podcast live, devant public. Puis le podcast est à propos du cheminement de ce gars-là quand il venait de perdre l'émission Community parce qu'il était, Dan Harmon était le gars qui anime le podcast, était un gars qui s'occupait de Community. C'était un des créateurs. C'est un showrunner. Il a perdu sa job. Puis le podcast est à propos de lui. Puis dans le podcast, il dit, dans le documentaire, il dit, je veux rendre le monde heureux. Puis moi, il y a comme un an et demi, je me suis rendu compte que Chris, c'est ça que je veux. C'est pas juste pour moi, c'est pas juste pour ma carrière, c'est pas juste pour, tu sais, flasher. J'ai envie, avec ce show-là, de rendre le monde heureux. Puis, crime, c'est une fenêtre qui me permet d'accéder à plein d'affaires. Là, j'ai l'impression d'être fucking sérieux, puis ça me stresse. Non, mais c'est cool, mais ça me fait chier. Pète-nous un Pierre Lapointe, drette là. Non, mais j'étais d'accord avec Pierre Lapointe. Qu'est-ce que tu dis, c'est parfait, parce que c'est un peu ça. Je pense que tout le monde autour de la table ici serait d'accord avec toi sur ça. Quand on a commencé le podcast, quand André a commencé le podcast, nous autres, c'était un peu ça, c'était jamais pour de l'argent. Mm-hmm. On était tous très chanceux de se faire embarquer dans cette aventure-là avec André. Puis le retour qu'on a, c'est comme tu dis, là, c'est de rencontrer des gens qui ont dit ah, « j'ai aimé ton opinion ». Random comme ça, puis des rencontres. Tu rencontres tellement de gens cool. Pas besoin de payer pour ça. Ouais. Non, moi, je trouve que c'est ça, c'est super enrichissant comme exemple. Toi, ça doit t'arriver tellement plus, là, justement, à cause de l'ancienneté, là, puis t'es vieux, tu sais. Mais c'est aussi, beaucoup. Non, mais exemple, au Comic-Con, là, je suis plus vieux que lui, là, mais tu sais, au Comic-Con, nous autres, ça nous est arrivé l'année passée, où ce que justement, tu sais, t'as un gars random avec sa blonde. Hey, vous êtes le geek collectif, Melter. Ouais. Moi, j'avais comme, même pas 6 mois d'ancienneté, c'est que j'étais comme, le gars qui était juste là The new par guy. Dépit, ouais, exact. Là. Mais non, tu te présenter comme le gars qui connaît Milter ou. Ouais, c'est ça. Ouais, oui. Mais je la nounou. Mais... C'est tellement étrange parce que, tu sais. Puis il venait nous voir, tu sais. Il y a deux anecdotes que moi je me souviens, puis c'est vraiment cool. La première, c'est que. Au début, parce que tu parles rendre le monde heureux. Mm-hmm. Puis au début, moi, j'étais vraiment nerveux. J'étais comme, OK, on se lance dans le podcasting. On tape ça à table. Est-ce qu'on va être pertinent? Est-ce que ça vaut la... Tu sais, pourquoi les gens nous écouteraient? Je sais pas si tu te souviens, on était au Presse Café à Laval avec exactement Mel. Exactement ce que tu t'en allais. Puis là, on est en train de débattre là-dessus. Éric travaillait, il n'a pas pu joindre à nous, mais là, on est en train de jaser avec Milter puis Mel qui étaient dans l'équipe. Dans le temps départ. Que je buvais beaucoup trop de Red Bull. Ouais, t'avais deux Red Bull pour ce meeting-là. Ah ouais. Puis là, on est sur la terrasse, puis t'as le Mumba qui est ouvert puis qui roule à pleine pine à côté. Puis t'as une fille qui est assise sur une table du Presse Café, puis elle est juste toute seule à son coin, puis à la limite, on est comme, ben écoute, on la dérange-tu, puis. Fuck it. Puis là, on jase, puis on parlait de furries. Puis là, on parle de furries, puis on parle, tu sais, ah, mais là, le show, on pourrait faire telle chose, blablabla, blablabla. Puis là, on finit de débattre ça, puis à un moment donné, la fille, elle se lève, puis elle vient vers nous autres. Là, je fais, hey, fuck, OK, elle doit penser qu'on est fucké à côté. On parle de monde qui fourre dans des costumes d'animaux. Mmh, ils font pas tout fourrer, par exemple. Ils font pas tout. Mais on était rendu là. Tu sais, deux Red Bull plus tard, le monde fourre. Ouais, ouais. Mais la fille vient nous voir, puis elle fait... Hey, je veux pas vous déranger, rien, mais tu sais, là, je pense que vous avez l'air d'avoir une émission. C'est où je peux vous écouter? À quel poste de radio je vous écoute? Puis on n'avait même pas enregistré le premier épisode. Puis là, on a fait, ben en fait, c'est pas encore disponible, mais ça va être disponible. Puis ça s'appelle Geek Collectif. Puis on va être un podcast, c'est de la radio internet, geekcollectif.com. Puis la fille a fait, hey, c'est cool, je vais aller checker. Je sais pas si elle écoute encore cette fille-là. Si t'écoutes présentement, manifeste-toi. Ben, manifeste-toi, écris-nous un message sur la page Facebook, parce que honnêtement, je serais curieux d'avoir ton input. On y enverra un DVD asiatique louche. La pile de DVD la louche. Qu'on a. Mais tu sais, c'est la première histoire que j'ai faite. Fuck, OK, on tient quelque chose, puis on va pas juste être des caves qui parlent. Puis la deuxième fois, c'était quand on fouillait dans les bins de comics à Ottawa. Oh, okay. On était en train de fouiller dans les bins de comics, puis on parle. Et même, puis là, dans le temps, on streamait pas sur Twitch. Fait que c'était purement notre voix que le monde connaissait. Mm-hmm. Pis là, t'as un gars qui arrive pis il fait « Êtes-vous Milter pis André? » Pis sur le coup, ça fait... Les deux, on fiche pis on se regarde, on fait « Oh fuck, qu'est-ce qu'on a fait de pas correct? » Pis tout, il dit « Ah non, c'est parce que j'écoute le collectif. » Il était pas petit, hein, mais... Ouais, ben, tu sais, c'était vraiment... Oh, t'as peur, là... il y a plein de monde ici, ouais. Puis t'as reconnu nos voix. Ça, c'est fucked up. Ça arrive souvent en congrès où il y a du monde qui t'approche, puis que ce soit fait par Facebook, parce que maintenant, tu mets tu fais un show, tu fais une photo, tu la mets sur Twitter, whatever. Tu t'habitues pas, man. Moi, la place qui m'arrive le plus, étrangement, c'est dans les bars. Le monde sont déjeunés, ils ont un verre dans le nez. Ouais. T'es souvent l'ami d'un ami qui est là, anyway. Fait que j'ai bu sur le bras de ben du monde au fil des années. Et je vous remercie. Mais c'est tout le temps fucked up, tu t'habitues pas. Puis tu sais, tantôt, on en parlait avant le show, on parlait des acteurs que t'as rencontrés dans ta vie ou du monde, puis que ça a été des symboles. Je pense pas être un symbole pour personne, mais tu sais, je me dis, si quelqu'un vient me voir, qui prend le temps, je serais pas un trou de cul avec lui, tu sais, je vais prendre le temps de, tu sais, le gars, il prend le temps, il prend le risque. Puis à date, ça s'est fait autant à Montréal qu'à Québec, qu'à Alma, quand on est allé au Festival d'Internet d'Allemagne l'année passée. Je sais pas, moi, c'est comme un gros trip de... qui arrête pas de grossir. Moi, j'ai l'impression que je vais aller à Sherbrooke ou à l'autre bout du Canada, puis il y a du monde qui vont nous suivre. Je peux pas décrire comment c'est nourrissant faire du podcast. Ah, moi mais dans mes expériences, un peu comme tu dis, là, c'est niaiseux, mais je reçois beaucoup de messages de haine des fois sur Facebook à cause de mes niaiseries que je mets ou des humours un peu crus ou de quoi. Mais quand j'ai quelqu'un random, là, nowhere, des fois, je savais même pas qu'il écoutait le podcast, puis il m'écrit... Il t'a dit ça, puis c'est juste une joke de podcast, là. Je n'ai pas parlé sur Facebook ou de quoi, puis il me dit, as-tu que je l'ai ri, man, t'as fait ma journée, il m'envoie une photo drôle, ou tu sais. Ou bien, hey, tu m'as fait découvrir tel livre, tel film, tel BD, j'ai essayé ça. C'est cool, tu sais. Justement, on a eu quelqu'un qui nous a écrit sur la page du collectif cette semaine, qui disait, tu sais, hey, Guillaume, il a parlé de... The Secret Wars. Ah, c'était en réplique à l'épisode live à Arcade Montréal. Carrément. Puis il l'a lu. Il a eu le temps de le lire, de le finir avant que moi j'aie le temps de le finir. Mais ça, c'est pas nouveau. Là. Je veux dire, je m'étale puis je fais 3 millions d'affaires en même temps. Mais oui, en effet. Tu sais, c'est Jean-François Gagnon en passant. Salut JF. Merci d'avoir pris le temps de nous écrire. On t'a pas répondu encore, malheureusement. Oui, j'y ai répondu. Ah, tu y as répondu. Bon, mais regarde, tant mieux. Excellent. Ouais, mais les gars, on a besoin du tag, là, response within a minute. Ouais, ben, le plus qu'on devrait le popper là-dessus. Mais c'est un peu cet aspect-là. Puis, tu sais, avec les mystérieux, vous avez dû le vivre aussi. Mais l'interactivité du podcast, c'est ça qui est cool. C'est que on fait tellement Wayne's World dans le sous-sol de ses parents sur la télé communautaire. Mais cette proximité-là est incroyable. Là. Ouais, je trouve que... Puis j'écoutais le dernier épisode que vous avez fait pour les jambons. Je avec pensais que t'allais dire j'écoutais Wayne's World 2. le meilleur! Ouais. Mais le dernier épisode des jambons avec Cédric puis vous autres. Puis tu parlais de... Tu sais, tu disais, le podcast, c'est de la radio, puis l'équipe. Moi aussi, j'étais un gros fan de talk radio. Talk radio, ça manque, je trouve qu'au Québec, il n'y en a pas. Puis quand tu vas plus dans les régions du Québec où ils en parlent, c'est un petit peu plus trash. Moi, je suis moins fan de ça. Même si je peux bien être salace dans le je veux pas ça Québec, dans ma radio. Là, la coupe de semaine passée. J'en marque pas. Ah, moi, c'était pas quoi, mon genre c'était de quoi truc, qui s'astinait, donc? Là, on était voyons donc qui parle de ça. Oui! Moi pis Rick, on est dans le parking, on attend Mathieu, faut que je le dise, on est là pis on écoute la radio, Mathieu. Non, moi pis Mathieu, on est dans le char. Puis Rick est parti acheter une affaire au Best Buy. Michael, pas Mathieu. Baroque. Moi puis Michael, on est dans le char. Je dis Mathieu parce qu'on est allé au chalet, que c'est Mathieu qui a organisé. Mais Rick est dans le Best Buy en train de checker pour un fil de plug de cellulaire, tu sais. Pendant que nous autres, on l'attend dans le char. Puis là, on écoute. Puis à Radio de Québec, PlayStation camera. Ils ont passé une demi-heure à bêter entre eux autres. Puis ils ont pris des appels du public. Pour dire à quelle heure que leur chum va débarquer de l'avion puis arriver en studio. Fait que là, on prend des appels du public. Moi, je dis 3h30. Puis l'autre, OK, on appelle Julie, toi. Moi, je dis 4h15. Il va être... Puis là, on était, voyons donc, Chris. Puis pendant une demi-heure, leur talk radio, c'est prendre des appels pour gager sur l'heure que le dude va arriver en studio. Mais on s'entend-tu que... Mais c'est sûr, cœur, hein? Ils semblent essayer de rechercher dans leurs limites, parce que j'imagine la radio aussi... Il y a certaines limites qui sont imposées. Ben oui. Il semble essayer d'aller rechercher la proximité. Mais tu sais, Ben, justement, le fait que les mystérieux, tu sais, ça a parti, c'est de la radio puis c'est du podcast. J'imagine que vous surfez pas mal une ligne. Ben moi, je le vois vraiment pas comme la radio. Je sais qu'il y a du monde qui monte ça au fil des années, mais pour moi, c'est pas de la radio. De un, on n'a pas une antenne, on n'a pas de quota. La station intervient pas sur notre contenu pantoute. Ils ont jamais rien dit. Ils sont mieux pas non plus, je pense qu'ils pogneraient un mur, là. Moi, je suis assez têtu quand je veux. Mais c'est pas un concept non plus, 3 tunes, une pub, non, on parle. Non, la seule raison pourquoi on met une tune dans le milieu du show, c'était pour se donner une pause pour réajuster. Ben ouais, mais tu vois, quand on va déménager, ce concept-là, on le mettra plus parce qu'on payera plus nos... nos quotas pour, ouais, pour la soccer. Ouais, c'est ça, puis c'est important, je trouve, quand même. Fait que, tu sais, la pub à la fin, la musique à la fin, c'est juste que s'il y a un show qui embarque après toi, t'as 4 minutes pour sacrer ton camp, oui. Puis lui, il faut qu'il se place en attendant. Okay. La seule raison, c'est qu'il y a un stream en continu à choc. Fait que la formule peut paraître un peu radiophonique, mais pour moi, c'est vraiment du vrai, vrai podcast. Ouais, mais ça, c'est un roulement de studio plus, ouais, dans un ça. Sens business-wise. C'est dans talk radio en continu. Talk radio. Si on avait une chaîne de podcast, nous autres, puis bon, ça serait en continu même, on ferait probablement les mêmes astuces de toute manière. T'sais. Mais à chaque, il y a plein de podcasts qui font... Moi, je tripe bien raide sur des sidérés avec ma gang de Massy, Maxime Gervais, Julien, Étienne Forêt. C'est des mastites malades. Ils ont fait un dernier show, je pense que c'est samedi. Ils rouvrent le show, ils sont des Français. Puis comme what? Puis l'autre show avant, c'était ils étaient des anglophones, ils ont fait un show très créatif. Ouais. Écoute, ça me fait penser à des genres de Kids in the Hall du podcast. Absolument, c'est du déconnage. Mais ça, on le dit souvent, puis je sais pas si toi t'es d'accord avec ça là. Moi, je dis que le podcast au Québec, on est encore dans le Far West. Ouais. Dans le sens qu'il n'y a pas de règles établies, il n'y a pas rien, il n'y a personne. Il n'y en aura jamais. Non, mais je veux dire, le côté radio, t'as un genre de format que le monde s'attend à. Puis peut-être qu'il y en a deux, trois. Il y a le talk radio, il y a le pop radio style. C'est quoi, CKMF? Puis dans le podcast, tu peux dire à quelqu'un, hey, écoute, ça, c'est un podcast. Mais dans le podcast, ils vont parler de jeux vidéo. Dans l'autre, ils vont parler de BD ou de quoi de même, mais l'autre, il va faire jouer des sound clips du web puis commenter qu'il n'y a aucun rapport du même concept. Tu peux jouer avec la narration dans le podcast. Ça peut être n'importe quoi, aussi. C'est ça. Ouais. Mais il n'y a pas de règle pour rétablir que... ça. Pensez-vous que... Puis, tu sais, là, c'est sûr et certain, il y a toujours l'éternel duel aussi où tout le monde se lance avec des intentions différentes dans le podcast. Sauf présentement, on dirait le Far West du podcast est créé parce que, justement, il y a un peu... Contrairement au restant du monde, on est un peu méconnu au Québec. C'est pas connu comme médium. Ça commence à l'être. Ça commence à être découvert. Puis on dirait que le monde n'a pas trouvé la recette magique où la radio, là, et les fantastiques de Denis Salvaille, puis etc. Denis Salvaille. Wow! Éric Salvaille. Il y aura toujours de la place pour ça. Mais il va y avoir de la place pour ça, mais on dirait c'est que vu qu'il n'y a pas ce format-là de prédéfini que genre... Insert, toi parle de cette façon-là, mène-toi à telle cadence, non, je vais pogner. Moi, je pense que c'est l'accessibilité. Le monde, il a jamais pensé ça, un piton de radio. Mais voulant dire, c'est que présentement, vu qu'il n'y a pas une assurance de download, le monde explore beaucoup. Fait que, tu sais, moi, ma crainte que j'ai, puis écoutez, j'aimerais ça entendre votre opinion là-dessus, c'est que nous, présentement, je donne un exemple. Tu sais, on a la formule du collectif. C'est tout le temps l'actualité, puis c'est tout le temps le sujet principal. On a les passionnés qui arrivent, on invite notre monde. Mm-hmm. Notre show, il est rodé comme ça, puis que ça pogne ou que ça pogne pas, puis tant mieux, puis on vous remercie les fans, parce que ça semble pogner pour l'instant, fait que c'est cool. Mais que ça pogne ou que ça pogne pas, c'est le show qu'on a décidé de faire, puis on va le faire jusqu'à temps qu'on ait plus de fun dans le faire. Ben, si elle aurait pas pogné, on aurait soit changé la formule ou on aurait tout simplement abandonné le projet pour faire d'autres choses. Pas si notre fun y était à... Peut-être pas nécessairement, parce qu'à la limite, c'est un peu personnel. Ça dépend de ton objectif, parce qu'il y en a... Notre objectif, c'était ça au début. Mais où je veux en venir avec mon raisonnement, c'est plus... J'ai l'impression qu'il y a certains gens qui ne font pas de podcasting présentement, mais qui se pitcheraient là-dedans comme Picsou dans son safe à argent, s'il y avait la formule prédéfinie, justement. Puis c'est ce que j'aime de la beauté du podcast, c'est que les intentions sont différentes, le format il est pas prédéfini, puis c'est tellement... Tu fais qu'est-ce que tu veux. Il y a une affaire qu'il faut comprendre, c'est que si la télé et la radio conventionnelle fonctionnent et existent encore, c'est qu'il y a un modèle d'affaires clair derrière. Clairement. Mm-hmm. Donc, je te donne un exemple. Si je fais un show de variété, même si je change la tête d'affiche puis les invités, il y a bien des chances que cette recette-là ressemble beaucoup à une recette qui existait avant. Fait que moi, je suis un producteur, j'essaie de vouloir faire une émission, que ce soit Radio-Canada, TVA ou même Télé-Québec, je suis redevable de l'argent que j'investis là-dedans. C'est clair que je veux que le monde écoute, parce que ça se traduit en publicité, donc en revenus. Moi, j'ai déjà du monde qui m'ont dit « Ouais, mais c'est super à écouter, cette émission-là. » Ça peut être écouté, mais c'est pas important si les publicitaires sont pas là. Ouais. T'sais, mais ça, c'est un gros problème. Tu peux avoir la meilleure recette au monde s'il y a du monde qui te suive pas, puis tu peux pas vendre des spots de pub, ben, tu rentabiliseras jamais ton podcast, que ce soit des produits dérivés ou autre. Le problème dans la télé conventionnelle et radiophonique, c'est quand on commence à prendre, et ça je l'ai vu, du monde pour des imbéciles, puis on commence à downgrader le produit parce qu'on s'est dit, cette fois-là ça fonctionnait, cette fois-là ça fonctionnait, puis on est tout le temps en train de rajouter de l'eau dans notre colorant, puis finalement à la fin c'est transparent. Le podcast vient comme une espèce d'avenue contraire. Nous, l'argent ou les cotes, c'est pas vraiment important. Crise. Moi, je ne sais pas combien de personnes m'écoutent. Je ne veux pas savoir. Ouais. Je veux pas m'obséder par rapport à ça. Je n'ai jamais regardé mes stats. Je veux rien savoir de ça. Je le fais comme si je le faisais pour 100 000, que ce soit 1 million. Nous autres aussi, Benoît. T'sais, non, mais c'est important. T'sais, à un moment donné, non, mais à un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire anyway, avec ça, cette information-là? Là, toi, t'arrives dans la ligue des grands. J'allais dire des glands. T'as le choix de soit télécharger ton show sur Radio-Can, ouais, ou télécharger ton show comme à un click away, genre sur Geek Collectif. On est à la même hauteur d'homme. Là. Il y a pas. Je m'en ai. Tantôt, c'est parce qu'on parlait de. On touchait le sujet un peu, mais la formule de la radio, tout ça, le podcasting, dans le fond, j'en parlais dans les jambons un peu, mais ouais, c'est la radio indépendante. Absolument. C'est tout ce que c'est. Nous, ouais, on n'est pas rattaché par du financement, on n'est pas rattaché par un producteur qui nous restait dans le coup pour du cash. Que je comprends pourquoi tu ferais absolument, ça. Absolument, absolument. Je ne critiquerais pas quelqu'un qui ferait ça. Je comprends. On comprend le système. Je comprends ça. Qu'est-ce qui est bien de nous, c'est que ça, ou du podcasting en majorité en ce moment, c'est qu'on est tout du monde qui sont indépendants. On peut essayer des choses. Exactement. Parce que la recette n'est pas là pour. Puis qu'est-ce qu'on aime du podcast est lié très, très férocement à ça. Absolument. À l'indépendance. Fait que si on veut que ça nous rapporte du cash, la seule manière que ça nous rapporterait du cash, ça serait si on sacrifie ça un peu. Mais Eric, mais ça, là-dessus, on peut ne pas être d'accord, mais parce qu'il y a tellement de façons, on rentre, je pense, Eric a ouvert la porte, ouais, du sujet. Moi, je pas pense mal, pas là, que Mark Maron sacrifie son show. J'ai pas l'impression mais qu'il Chris Hardwick. Mais ça devient la radio publique, là. Mais il est financé par le monde qui l'écoute. Eric, t'avais fait un parallèle à un moment donné super intéressant dans le show, puis c'était, j'avais trouvé ça tellement sharp. Mais t'avais comparé le podcasting à PBS. Ben c'est ça, j'ai exactement PBS, ça que PBS, qu'à chaque encore, année, là, tu sais, c'est... Ben, nous autres, on a un public broadcasting channel, tu sais, puis on veut faire une levée de fonds parce qu'on veut rester en onde. Vous nous écoutez, vous aimez notre contenu, aidez-nous à rester en onde. Je trouve que le podcasting, c'est un peu ça. C'est l'ultime reconnaissance de nos auditeurs et de nos fans. C'est un peu ça. Moi, j'en reviens pas encore qu'il y ait des gens qui sont allés sur le Patreon de Geek Collectif et qui nous donnent l'argent par mois. Puis Ben, toi, tu vas pouvoir parler d'une plus grande échelle encore une fois, mais là, vous avez eu une démonstration assez incroyable. Nous autres, c'est comme si qui les fuckés qui nous donnent 18 piastres c'est ça, par mois. Il y a quelqu'un qui nous paye une caisse de bière par mois. Voyons donc. C'est ça, mais on la boit à votre santé. Mais Ben, parle-nous un peu de cette aventure-là, parce que Ben, dans le fond, les mystérieux, vous êtes parti avec un projet super ambitieux. Toi qui voulais pas de stats, là, t'en as un. Moi, je voulais pas de stats, là, j'ai une étude de marché, en tout cas, ça, c'est certain. Ben, écoute, nous autres, c'est ça, ça fait 10 ans qu'on est à Choc. Puis, je pense pas que Choc va écouter l'émission, là, pas parce que votre émission n'est pas écoutée, c'est juste parce qu'ils sont pas très, très proactifs. Puis c'est un problème, je pense, avec la station, c'est que c'est dans les premiers au Québec qui ont fait du podcast, puis ils sont même pas reconnus comme étant ces producteurs-là. Puis moi, je trouve ça dommage parce que j'ai l'impression que les mystérieux à travers la plateforme, que j'adore Choc, j'ai vécu des super de belles expériences là-bas, mais au travers de ça, les mystérieux s'effacent. Je connais Choc à cause de vous autres. Ben, c'est con à dire, mais effectivement. Merci, mais moi, j'en connais d'autres choses sur Choc, mais je connais Choc quand même au départ. Je te dirais que les shows qui pognent à Choc, c'est des shows qui sont pas faits par des étudiants. Comme n'importe quelle radio étudiante au Québec. Comme si t'as un quota, c'est ça. Du monde de l'extérieur qui font des shows. L'université, là. Mais, ça fait qu'on a voulu se dire, ben, regarde, moi, ça fait 10 ans que je suis là. J'ai commencé quand j'avais, 25, l'université. J'ai 35. J'étais un peu tanné. On a des Christy de beaux studios, mais on veut passer à autre chose. On veut avoir plein contrôle de notre produit. Puis si, justement, on est pour faire un petit peu d'argent avec ça, ben, les pubs, avoir un contrôle là-dessus, on n'a pas de contrôle là-dessus. Fait qu'on s'est décidé, on va se lancer un Indiegogo. Là, ça a l'air vraiment prétentieux, ce que je veux dire, mais ça fait 2 ans que le projet, il est sur la table. Parce que ça fait 1 an que j'y ai pensé. Après, c'est un an que je loue mon espace actuel où est-ce que le studio des mystérieux va être, mais que j'hésitais à lancer l'Indiegogo. Fait que t'avais un espace vide que tu payes, ça fait 1 an, puis tu disais, maintenant, on va y aller. Par jour, par semaine, par mois, excuse-moi. Par jour, par jour, je trouvais très ambitieux. par mois. Mais là, j'étais comme, Puis là, tu sais, comme toutes les insécurités, si tu lances ça, puis finalement, il n'y a personne qui donne. Puis c'est vraiment très rushant. Puis il faut que tu penses à ton affaire. Quand tu fais ton Indiegogo, tu es allé voir des campagnes qui ont fonctionné, comment tu peux le vendre, comment tu veux le pousser, comment tu veux pas écœurer le monde avec ça non plus, parce que tu as des fans qui te suivent. Ben, vous avez été très passif avec ça. Ben, en fait, pas passif, mais c'était présent, mais c'était pas envahissant votre campagne. Pas être, je voulais pas être comme ça. Genre. Mais moi, je trouve que c'est, ça nous tenait au courant. Mm-hmm. Pour le monde qui était intéressé. Ouais. C'était pas ouais, vas-y, mais t'étais comme oh yeah, ça monte à tous les jours. Je l'ai comme montré l'enthousiasme. Mais il y a eu une belle, un beau travail de la communauté aussi. Je veux dire que ce soit, mais j'ai vu c'est Maxime avec l'épée légendaire, nous autres, Rito Nouveau, Denis en a parlé avec Radio Talbot. Je veux dire, à chaque fois que je regardais quelque part, quelqu'un partageait ta nouvelle. Ça a été la plus belle surprise, c'est que la communauté du podcast a été comme au rendez-vous, puis nous ont. Ils ont fait de la promo pour notre truc. Puis, tu sais, moi, c'est ça que tu parlais. On a repoussé qu'on fasse un show. Moi, ça fait 10 ans, mais je suis jamais invité à d'autres podcasts. Je suis pas. Je me disais, Chris, le monde doit me trouver plate ou beige. Je suis pas invité. Regarde, mais on est là, il y a eu comme une espèce de vague d'amour. T'es comme un aura, genre. C'est l'ancien. C'est comme le Moïse du podcast. Non, mais. Peut-être, c'est comme on disait tantôt aussi. Je veux pas dire intimidation, mais le monde se sent peut-être, vu que ça fait longtemps que t'es là, t'as de l'expérience, tu sais, puis des affaires de même. Ah, quelqu'un que ça fait 6 épisodes qui a un podcast, il se sent mal de dire je vais caler, ben merci. J'ai jamais refusé aucune invitation. Tu sais, je pense que si je refuse, c'est parce que j'ai vraiment un problème d'horaire. C'est ça, ouais. Il y a du monde peut-être qui pense que tu vas dire comme moi, mais il y a combien de monde qui vous écoute, tu sais, c'est non, mais tu sais, j'ai pas passé toi là, je dis ça parce que comme parce n'importe quel est là, puis tu sais, c'est ça là, tu sais, n'importe quel une vedette dirait que je dis pas vedette pour toi, mais un musicien dirait quelqu'un comme, qui a un certain pedigree. Ouais, c'est ça, pourquoi je viendrais à ton événement? Ah, il y a 200 000 personnes. OK, je vais venir parce chanter une tune. À la limite, ça serait normal aussi comme comportement parce que crème, vous êtes une notoriété établie, puis sauf que c'est ça qui est cool encore une fois, c'est que, tu sais, c'est comme un, si je peux faire des parallèles avec le punk rock des années 90 puis 2000, tu sais, maintenant ils ont fait le punk rock sold out, tu sais, mais le podcasting, c'est con à dire, mais là, tu sais, vous avez une campagne qui c'est un franc succès. Ouais, c'est ça, on est arrivé à 18 290 $ au total, on demandait 16 000, on a eu 2290 de plus. Puis écoute, je peux te lancer des fleurs parce que je t'ai connu avant les 18 200 quelque chose dollars et je te connais maintenant après. Mm-hmm. Et t'es clairement le même homme avant ces 20 000 dollars. J'ai pas investi en coke ou rien. À part ses dents en or. À part les grills, t'es clairement le même homme. Je vous apprends mes grills, je suis le même homme. Non, mais je pense que c'est noble, tu sais, comme cause, le fait de vouloir battre de vos propres ailes. Mm-hmm. Puis à la limite, tu sais, vous allez être encore précurseur de quelque chose d'autre parce que dans toute la communauté du podcast, on a eu la chance de travailler dans la première version de RZO. Maintenant que GF il fait un job Jeff est vraiment soufflante avec ça. Ouais. Là, vous allez encore. Facebook maintenant. Tu peux tout faire. Vous pouvez tout faire avec ça, c'est fou. Mais là, vous allez s'étendre encore un précédent parce que là, vous battez de vos propres ailes. Là. Ouais. C'est réalisé. L'Indiegogo, il passe, puis vous partez. Là, l'Indiegogo, il est passé, il est terminé depuis samedi. Fait que ça prend à peu près environ 2 semaines avant que les fonds en totalité soient versés dans le compte, parce que j'ai créé une compagnie qui est mystérieuse et étonnante juste pour récolter l'argent. Fait que je pars à Cuba dans une semaine. Ouais, exactement. Je vais disparaître. Évasion fiscale. Les mystérieux Al Cuba. Vive à Cuba avec 8000 piastres. Ça me rappelle des histoires de producteurs, d'organisateurs de rave quand j'étais jeune. J'en ai des belles histoires. Il y en avait à Laval aussi. Il y en avait des histoires là-même, ouais. Fait que c'est ça, dans 2 semaines après, il y a toute une job de cordeau à faire parce que là, bon, il y a tout le... C'est sûr qu'on veut faire un truc audio, que l'enregistrement soit le plus tight possible. Puis là, je dis pas que ça va être comme fucking son parfait, mais tu sais... Mais c'est un work in progress. C'est un work in progress, mais moi, je veux que quand on part, je sente que je peux défendre le produit. T'sais. Mais je pense que c'est ça qui est important parce que, permets-moi d'intervenir, mais tu sais... Le standard dans le podcasting, c'est toi qui vas le mettre pour ton émission. Un peu comme, tu sais, nous, au début, on écoutait le son, puis c'est moi-même qui a fait « Hey, fuck off, je suis pas à l'aise avec ça, je veux livrer un autre produit. » Puis je suis allé me lancer dans les investissements, mais puis on n'était pas si pire que puis ça. Puis le son était déjà pas si pire. Il y a des épisodes que je me suis retapé parce que je tente pour refaire les métadonnées de nos épisodes sur le site web. Je me suis retapé des épisodes pour justement réinventorier tous les sujets. Puis je dis, il y a des épisodes qui ont fait un peu micro saigner mes tympans, mais c'est juste en un épisode où il y a eu un pépin technique. Non, entre 1 et 15. Sont... Ouais, c'est ça. On parle des 10 premiers. Puis tu sais, des fois, il y a problème technique ou il y a plus d'écho. Quoi, j'ai pas étudié chez Trébar sur rien. Là, non, c'est non, ça, non, exact. Non, c'est fait que tu sais, le standard de qualité dans le podcasting. Parce que Trébar, c'est un standard de qualité. Il y a un producteur de l'album qui a pogné un Grammy. Qui a mais où je veux en venir avec ça, c'est que tu sais. Tu parles justement, le son sera pas sa coche, mais d'un autre côté, tu sais, c'est pas vrai que le son sera pas sa coche, parce que pour toi, ouais, qui travaille là-dedans, qui investit, puis le fanbase qui, au fil des 10 ans, vous font confiance, puis ont fait, OK, regarde, ils savent où ils s'en vont, on va les aider, on va leur donner leur chance. Mm. C'est toi qui va être, tu sais, qui va faire le site. C'est toi le gars, sa boîte de Tetris dans les années 90, qui approuve le jeu avec le Nintendo Seal of Approval. Moi, ouais, j'ai eu une conversation là-dessus, je pense que c'est vendredi dernier, je parlais à Gauthier et à Jay qui sont le podcast avec moi, puis j'ai dit, écoutez, les gars, je suis dans mon espace, parce que la base du studio est déjà faite, là. Ouais. Il y a un fan de Alma qui a fait 5 heures de route. Qui avait coupé le bois pro bono déjà pour la charpente. Il est venu, il l'a installé, il est reparti le dimanche. Puis c'est tout. Fait que la structure est là depuis des mois. What the fuck? Ouais, je sais, c'est malade. C'est un gros sacrament. C'est comme que Ben, il est encore sous le champ. Ah, moi, je capote. Lui, il capote là-dessus, puis moi, je suis juste, il y a un fan d'Alma. Hey, l'Alma, man. Ils ont l'Internet d'Alma. On a un gros, plein de fans. Ils ont un festival. Tu viens juste dire qu'ils ont-tu de l'Internet à Alma? Ils ont juste le festival d'Internet, mais pour eux autres, c'est une légende. C'est comme... Mais le gars, je crée ce shout-out à lui. Ah, man, c'est... Ouais, gars, son c'est nom Pierre à lui, c'est Pierre-Marc. Il va te savoir comme ça brique, comme au Chambel. Shout-out Pierre-Marc. Je veux faire une espèce... J'ai trouvé une façon de remercier Pierre-Marc. Mais un code de lui. Venue, puis un code dans le... J'avoue, tu mets sa face comme dans le background. Mais on a aussi Jean-François, qui est un gars qui, lui, a designé le studio à la base. Fait que c'est wow, vraiment un projet collaboratif, dans le sens que Pierre-Marc est descendu... Jean-François avait tout designé dans des logiciels, parce que lui, c'est un dessinateur de meubles, tout le design du studio fonction des spécificités de ce que j'ai demandé, puis de l'espace qu'on avait disponible, où est-ce qu'on loue l'espace dans un local. T'sais. Fait que c'est vraiment un projet collaboratif, c'est qu'à partir du moment où on a les fonds, on commence à checker comment est-ce qu'on peut combiner. Nous autres, là, les mystérieux, si je peux vendre une affaire, c'est qu'on a fait tout le temps beaucoup avec peu. On t'a frotté 2,25 cents, puis trouver une façon de, tu sais, nos spéciaux de Noël, c'est dans ça, ma fucking cuisine qu'on fait ça, là, avec des caméras. Attends un peu, tout le décor, élaboré, c'est ta cuisine, man. Puis le rideau qui mène de l'autre côté, c'est le salon. C'est pour ça que il doit limiter le nombre d'invités à ses on va se parler en ronde, parce que je trouve mon design un peu rudimentaire. Ben, tu prends de la mousse bleue, tu sculptes, puis ta peinture, puis ça fait des miracles. La mousse isolante. c'est ce que c'est. OK. Mais c'est essentiellement, c'est ça, tu sais. Fait que là, on se donne les moyens d'essayer d'aller à une autre étape, tu sais. Mais en même temps, là, tu vois, là, on a fait le calcul aujourd'hui, justement, combien ça coûterait pour les perks. Ça enlève un calice de montant, tu sais, pour construire les perks, les envoyer. Mais le montant qui reste, on va le maximiser au total. Puis, tu sais, je veux dire, ça sera pas moi qui va sortir 400$ de ma poche pour... On va essayer peut-être de faire le meilleur. Est-ce qu'on a... Compte tenu que là, vous allez avoir votre propre studio, là, les mystérieux, ouais, d'habitude, c'était à chaque lundi, comme tu le mentionnais. Est-ce que la fréquence va augmenter? Non, moi, je veux garder le lundi. Peut-être le repousser, peut-être pas 5h30. Peut-être aller un peu plus loin. Ça va dépendre de l'horaire des gars. C'était plus avantageux à l'époque parce que, bon, c'est ça, c'était en fonction de la grille horaire qu'on avait disponible, ouais, à choc. Mais si on peut le mettre un peu plus tard, moi, j'aimerais bien. Puis, à partir de ce moment-là, une grosse réflexion à se faire, à savoir si on veut faire d'autres shows. Puis on veut faire d'autres shows, mais moi je veux pas juste faire un show puis ils disparaissent après 6 mois. Si on est pour faire un spin-off ou un produit dérivé, il faut qu'ils perdurent dans le temps, ouais, c'est ça exactement. D'avoir un plan d'affaires dans le fond, champ, ouais, pour le contenu. Ouais, puis je veux dire, moi tant pis, on parlait d'argent, puis c'est comme une grosse hantise au niveau du podcast. C'est moi normal. J'ai jamais caché le fait que si éventuellement on peut rentabiliser moindrement la structure, qu'importe la façon qu'on peut le faire. On va le faire, puis je suis content de ce que Eric a dit, parce que moi, une préoccupation que j'ai, c'est l'âme de mon produit. Moi, juste mettre un dude ou une babe parce qu'il est populaire, parce que ça va m'attirer du monde, non, est-ce que c'est justifiable que cette personne-là soit là? Est-ce que c'est justifiable? Moi, le freak show, je suis pas capable, je suis tanné du freak show. On parlait de la culture du web au Québec. ce n'est que ça. C'est bien que ça existe. On pourrait avoir tout un show là-dessus, c'est ou pas la porte, Ben. Dude, man. Non, mais laisse-moi dire. Laisse-moi dire. C'est bien que ça existe, mais il y a d'autres choses. Quand on regarde aux États-Unis. On laisse ça à musique plus. T'as des projets. Ouais, c'est ça, man. je peux engager par eux autres, c'est correct. Mais tu sais, t'as Screen Crunch, t'as Kind of Funny, t'as Red Dead Redemption. Mais tu sais, même des histoires comme Kevin Pereira qui a partie de The Attack Super Creative, qui a dormi là-dessus pendant des années, puis là, ouais. The Attack, tu sais, je voyais des photos récemment sur Twitter, tu sais, puis hey, il est rendu, il a pu s'engager du monde, ils sont rendus partner, ils génèrent des revenus. Ouais. Je trouve ça magique parce que je suis content pour le gars parce que là, non seulement il nous serve du contenu. Ah, parce qu'il y a un épisode de Pointless qui est allé justement au Pérou faire un trip d'ayahuasca. Tu sais, ça vient d'où ça? Ça fait mal, ça. Ouais, okay, oui. Ça vient de l'épisode avec Joe Rogan qui a parlé pendant 1h30 de faut que tu fasses de l'ayahuasca. Mais lequel? Parce qu'il fait juste parler de ça. Non, non, mais je veux dire, quand Kevin Pereira était là, il a parlé. Ça, j'ai trouvé ça assez spécial parce que dans le temps, j'ai lâché un peu le Joe Rogan Experience. Ouais. Mais c'était une de mes portes d'entrée dans le podcast américain. Si ouais, c'était une de mes portes d'entrée dans le monde de la drogue. Non, j'étais là-dedans bien avant lui. Mais j'avoue que j'ai le goût de l'ayahuasca depuis que j'écoutais ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a invité Kevin Pereira, puis il parlait tout le long. Il disait que tu devrais te passer un podcast. Tu l'as, t'es bon, puis tout. Puis. 2 mois après, ben Kevin Pereira se part au point list sur la gang à Dead Squad. Avec Red Band, puis Dead Squad. Puis tout. Il a fait genre 10-15 épisodes, puis un moment donné, mais je sais pas s'il y a eu un conflit, puis tout, mais il se reparle toute la gang, il s'invite sur leur show, fait que j'imagine que non. Mais il est rendu indépendant, puis tout. Puis c'est comme, je trouvais ça cool de voir le gars se faire inspirer, puis se faire dire, vas-y, man, fais ça. Puis à Star, j'écoute son show, puis je trouve ça super bon. Juste pas pour déraper trop, mais je m'en rappelle encore de Nerdist lui-même être sur un des premiers invités Adam Carolla. Okay, ouais. Il était un des premiers invités à Adam Carolla, puis tu le voyais qu'il parlait en entrevue avec lui quand Adam Carolla il faisait ça dans sa chambre, dans sa mansion, dans les Hills. Puis on s'entend que Nerdist puis Lionsgate qui ont fait des belles transactions ensemble. Mais là, j'ai une question pour toi, Benoît. T'sais, justement, tu parlais, on s'est dit les mystérieux, vous avez eu votre financement, vous avez le studio. Mm-hmm. Les lundis, peut-être un peu plus tard pour convenir, mais là, vous pouvez vous financer, fait que tant mieux. Mm-hmm. Mais crois-tu que c'est important de diversifier le contenu? Parce qu'on voit souvent des podcasts, puis surtout au Québec, où les gens sont comme un peu à l'adolescence du podcast, où ils cherchent. Tout le monde essaie de faire un paquet d'affaires. Même au collectif, on l'a fait. Des soirées streaming avec Milter et Eric, des podcasts. On avait la manette dorée. On avait un paquet d'affaires. On va peut-être avoir la manette peut-être dorée. Peut-être qu'on va avoir la manette dorée à un moment donné. Mais je veux juste rappeler aux gens que la manette dorée, la raison de la disparition n'est pas... C'est le montage, je pense. C'était carrément le montage. C'est pas parce qu'on veut plus le faire, on aimait ça puis tout, mais c'est de la durée. C'est beaucoup de montage. C'était quelque chose à l'ombre. Mais crois-tu que c'est important pour un podcast de diversifier ou ça dépend de ta plateforme. Moi, une fois sur deux, je me pose la même question par rapport à nos shows. Des fois, je les trouve répétitifs au niveau de la formule, pas nécessairement au niveau du contenu. Ça dépend de ta fréquence aussi. Si t'es pour faire un podcast par mois, c'est vraiment nécessaire de changer ta recette à chaque fois. C'est sûr que nous autres, on voudrait faire d'autres types d'émissions. Diversifier, tu sais. Puis moi, je suis un geek, mais j'ai d'autres idées en tête. Quand vidéo des mystérieux étonnants qui s'en vient, ça quand on audition. Mais tu sais, je fais un parallèle un peu. Tu sais, mettons, on prend pour exemple, c'est une contrepartie anglophone, mais on prend Girls on Games, qui est eux autres. Tu sais, souvent, ils vont avoir à chaque jour du contenu. Ouais. Ils ont leur chaîne Twitch. Ils vont avoir les deux podcasts principaux. Ils vont avoir du streaming. Tu sais, puis eux, ça semble être un modèle qui fonctionne bien. Mais même encore là, la question on se pose, c'est selon toi, tu sais, est-ce que c'est un modèle qui se prêterait au mystérieux? Est-ce que c'est sa place? Je sais pas. C'est vraiment au niveau. Moi, je suis pas un businessman. Tu sais, comme Dominique Bourret est 100 fois plus un entrepreneur que moi je le suis. Tu sais, je peux te dire comment dépenser du cash, j'en ai des idées. Comment faire du cash, ça, c'est une autre histoire. Peut-être. En ce moment, tu sais, j'essaie de juste de voir comment on peut faire la plateforme. Puis comment on peut la faire d'une manière qu'elle est stable et facile d'utilisation. Et après, comment on pourrait la maximiser pour faire du contenu intéressant et si possible et ou rentable. Mais pour l'instant, c'est une étape à la fois. Puis ce qui est le fun, c'est que, tu sais, oui, je sais comment dépenser du cash, mais je suis capable de m'entourer du monde qui sont bons dans leur truc. Guillaume a rencontré Jason, qui est un gars qui travaille tant que nous autres, qui ont fait des streams, ouais, dans des choses comme la captation vidéo. Ouais. Fait que lui, il a déjà des idées au niveau de la captation vidéo, comment on pourrait faire ça, comment on pourrait s'occuper de l'audio. Fait que moi, je suis plus comme un réal, dans le sens que je suis capable de catcher c'est quoi l'objectif, puis qu'est-ce que tout le monde pourrait apporter. Toi, tu vas faire le contenu. Ouais, c'est ça. J'ai, moi, là, j'ai une question, mystérieux et étonnant. Quand j'ai vu votre show spécial Halloween, ouais. On dirait que tu avais un showrunner ou une productrice ou quelque chose. Il y a une fille qui se promenait alentour avec des notes tout le temps. Ah, ça, c'était... Non, mais je dis ça de même. Non, mais je fais juste lancer de même parce que je trouve ça impressionnant. Quand vous faites un show de même, c'est... Il y a du monde d'expérience en arrière à ça aussi. Ben, c'est tout du monde. Tu vois, je pense que la personne à qui tu fais référence, c'était Sophie. Sophie qui est sur des CDR d'ailleurs. OK, ouais, ouais. La fille, elle a fait plein d'événements, elle a fait plein de trucs comme ça. Fait que, tu sais, c'est des... coche, là. Comme je regardais le show qui déroulait, puis tu voyais comme... Ah, puis moi, ce show-là, je l'ai pas aimé en plus. J'ai trouvé correct, mais... Il était divertissant. Merci. C'est juste que moi, je vois tout ce qui a comme mal marché aux affaires de même, mais j'essaye, on a appris au fur et à mesure des lives puis des projections que ok, si on fait ça, il faut qu'on a besoin de telle affaire, puis si on a besoin on fait ça, tu sais, comme pour padder, si tu veux, même au niveau du roundup, comment on y a les techniques, puis c'est des trucs qu'on a appris au fur et à mesure. Mais il y a sûrement eu des moments où, parce que ça nous est arrivé, j'ai plusieurs exemples en tête, dont l'épisode Skype, où non, mais l'ambition dépasse la technique et le réalisable. Tout le temps. Il y a sûrement des moments où nous, juste c'était un exemple, puis je pense qu'Antawa est sur le chat présentement, mais on a essayé de faire une ligne ouverte à un moment donné en accueillant les gens sur Skype. Ah, c'était le fun. Libre à nous de ne pas tenir compte qu'il y a un délai entre justement le stream mais et donc les gens nous écoutent sur le stream, on prend un drunk call d'un gars on à l'autre. Que personne nous appelait, on était comme appelez-nous, puis on est oh fuck, y a personne qui nous appelle pendant 30 secondes. Mais là t'as 30 secondes de délai, puis les calls commencent à rentrer après, mais l'ambition doit dépasser les moyens. Oui, il y a des fois, mais en même temps, c'est ça qu'il y a, c'est qu'on peut se permettre d'expérimenter. Si on avait fait ça à la TV live, on serait planté. Tu sais, le gars aurait perdu ta carrière, on t'aurait fait crisser dehors. T'aurais donné comme le show de Mathieu Bonin. Je sais pas, j'ai pas écouté c'est juste Musique Name Dropping, plus. C'est juste arrêté Musique Plus, j'ai arrêté de l'écouter à partir du moment que c'était une bonne intention, mais avec des beaucoup d'essais. Mais je pense qu'il y avait beaucoup moins. Moi, ce que j'ai entendu dire, parce que je connais le réalisateur qui a travaillé sur le show de Mathieu Bonin, parce qu'il travaillait à l'époque. Scoop. C'était-tu Carlos? Non, mais je pense que c'était pas Carlos. Non, okay. T'as moins de moyens aussi, tu sais, la station le réduit. Ah non, c'est incroyable. Là, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire à long terme. Je suis pas en train de dire qu'ils vont Mathieu Bonin est excellent à gérer les réseaux sociaux de V. Okay. Oui, c'est vrai, il t'aide pour eux autres. Ouais, c'est il a quand même pas eu une bonne job, là. Mm-hmm. Il chiale pas, là. Il est bien content, le monsieur. Tant mieux. Mais on parlait, tu sais, on parlait beaucoup, tu sais, d'essayer des affaires, puis tu sais, d'un peu de diversifier. Mais de l'autre côté, il faut quand même, tu sais, quand tu commences, t'as pas un brand, mais tu développes un brand. Tu le trouves, je te dirais. Tu le trouves. Ah, ça, c'est bien, c'est exactement ça. Tu grandis, c'est comme si, mettons, en quelque part dans l'univers abstrait, il y a un t-shirt, là, qui est ton brand. Tu rentres dedans, puis tu grandis dedans. Puis, tu sais, les mystérieux étonnants, vous l'avez. Vous avez votre pop culture. Ça vient avec une notoriété. Nous, on a trouvé un peu notre veine là-dessus. Il y avait dans le temps, tu sais, la commission des geekers qui avait leur rétro nouveau. Ils ont les geekers existent toujours. Leur Facebook est actif. Il y a un épisode sorti dernièrement de la commission des geekers. Ouais, au festival, pour festival, dans votre week-end au gaming. Au chalet gaming d'il y a 2 ans. On avait enregistré un épisode. Sorti cet épisode-là. C'est l'épisode que Barak avait. Ils l'ont sorti. Il l'a sorti il y a deux semaines sur J'étais jamais au courant de ça. C'est quoi, sur leur affaire de Dungeon, les aventures de lutin. Mais ce que je voulais dire, dans le fond, c'est selon moi, en tout cas, moi, si quelqu'un écoute en ce moment, que ce soit en direct ou dans l'intemporalité. En fait, Guillaume, je te confirme que quelqu'un écoute. Tant je peux mieux. Pas dire combien, c'est, mais quelqu'un c'est d'éviter aussi de... Ben, en parlant des geekers, une coupe de pousseau. C'est de trouver sa voix, tu sais, c'est de trouver un peu sa voix au début avant d'essayer de faire quoi que ce soit. Enfin, je pense pas que c'est Benoît, les mystérieux ou nous autres, ça l'aurait pu se rendre où ce que ça s'est rendu, ou à part, genre, pour l'amour de vouloir la faire. Si dès le départ, t'essayes 1 million d'affaires, c'est qu'on est, tu t'essayes en quelque part, tu prends ta confiance, tu prends tes assises techniques, puis au fur et à mesure, t'essayes une petite chose. Tu fais juste des affaires, c'est comme si on a construit ça. C'est ça, parce que si tu commences à t'éparpiller tout long, un, tu vas t'épuiser, deux, tu trouveras pas justement ta voix exacte, ta vibe, qu'est-ce que t'as. Puis je pense qu'aussi, c'est que ça va t'aider à travailler sur ton contenant aussi, parce que le contenu est important, mais ton contenant aussi va l'être, non, malheureusement. Ben, écoute, justement, tu sais, c'est con à dire, mais le contenu puis le contenant, c'est un éternel duel qu'on semble dans une crise d'identité. Voulant dire, la majorité des podcasteurs vont focusser beaucoup sur non, le contenant au départ. Et le contenant. Oui, mais tu le comprends éventuellement. Non, non, mais voulant dire. Non, mais c'est vrai, en fait. Il y a beaucoup de podcasteurs. Il continue à troller. Non, ça on en reparlera. L'élève a surpassé la bête. Mais il y a beaucoup de podcasteurs, malheureusement, au Québec. Puis c'est ce que je trouve dommage un peu, mais on focus beaucoup sur le contenant avant le contenu. Avant même, puis c'est con à dire, mais juste donner un exemple, Guillaume, t'as travaillé très fort sur un projet pour le collectif, puis je t'en remercie, qu'on va lancer sous peu, puis on vous le donne en scope un peu ce soir, mais on va avoir un genre de marché pour le collectif où il y avait de la demande pour des t-shirts, il y avait de la demande pour des produits dérivés. Moi, je capote que quelqu'un veut porter un t-shirt avec le logo dessus, là, j'en reviens pas. Mais tu vas vraiment capoter, c'est quand tu vas croiser quelqu'un que tu connais pas qui le porte de façon aléatoire. Puis là, il te reconnaît pas, il fait juste mon beau-frère m'a donné ça. Là, puis... ça. Mais où je veux en venir avec ça, c'est que nous autres, on approche de la quatrième année. Là. Mm-hmm. Puis on va mettre le marché en ligne parce que, ben, écoute, on va mettre les t-shirts à vendre parce qu'il y a des gens qui veulent l'acheter. Puis en passant, on fera pas un profit pantoute dessus. On le met à zéro, en effet. C'est à zéro profit. C'est le coût de production que ça va coûter, puis that's it. Mais où je veux en venir avec ça, c'est que ça nous a pris 4 ans avant d'avoir le guts puis les couilles de faire « OK, mais là, ça fait assez de monde qui en demande qu'on pourrait peut-être trouver une méthode de leur en donner sans être obligé d'en faire imprimer 150 puis sortir de l'argent de notre poche puis la tenir collée puis d'en donner dans les événements. » Fait que le contenant... Il y a beaucoup de monde qui vont sauter la clôture trop vite. Ton podcast, t'as même pas 2 émissions. Lâche de te faire un Society 6, lâche de te faire telle affaire, puis de penser à vendre des casquettes. Puis, tu sais, focus sur ton show au début. Mais je veux pas dire aux gens quoi faire. Je sens que vous faites référence à quelque chose que je sais pas. Non, aucunement, même pas. C'est des tendances que tu peux voir. C'est incroyable. Je veux pas. Le pire, c'est que je pourrais nommer quelqu'un ou. Un projet que je veux pas nommer, qui ça vaut pas la peine, puis on le connaît tous de façon autour de la table, puis je pense que c'est des gens qui ont plein de bonnes intentions. Il y a comme plein de bonnes intentions, mais tu parles des jambons là. Exact, je parle des jambons. Notre logo, on l'a fait sur Paint en 5 minutes. Mais gang de je reviens un peu, il s'éparpille, puis là, OK, là je me pars un podcast technologique, je me pars un podcast de bière, je me pars un podcast de recettes. Ça m'a donné, tu sais. Mais c'est correct, ça. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est... Passant pas 22 tu vas brûler ton... Qu'il brûle d'abord, il va apprendre... Non, mais... Oui, mais c'est quoi? Moi, je vais juste dire ça comme un genre de petit... Si toi, à l'auditeur, tu veux pas te brûler, tu veux juste... Tu veux... Mais parle à cette personne-là, parle-y, Guillaume. Je parle à large, tu sais, c'est vas-y, comme je disais tantôt, une étape à la fois. Puis si tu veux, exemple, les mystérieux étonnants, c'est demain, ils disent les mystérieux étonnants sur la gueule, puis on a un podcast de bière, ça marcherait peut-être pas. Mais si on dit les mystérieux étonnants, la gang des mystérieux partent un projet parallèle qui est pas le même branding, mais c'est la même gang. On a une approche similaire. C'est que c'est bien. C'est juste des fois de penser à son contenant pour être sûr de pas mélanger. Parce que l'auditeur, même si son tu fais ça pour une passion, contenu, là, je mélange. Le contenant, c'est ton format, puis le contenu, okay, c'est de quoi tu parles. Okay. Le train déraille petit à petit. Mais ce que je veux dire, c'est que même si on fait ça. Nouvelle, là, je le fais, même si on fait ça pour l'amour de le faire, c'est le fun quand les gens l'écoutent, qu'on le veuille ou pas. Moi, personnellement, je suis un peu narcissique à ce niveau-là, puis je veux que les gens aiment ça, puis je veux qu'il y ait de plus en plus de gens qui écoutent. Puis, si. C'est pour ça qu'on est chanceux que tu es dans notre équipe, en fait. Peut-être, mais non, ce que je veux dire, c'est que justement, oui. On te confirme que oui. Si les gens, après ça, t'es écœurs parce que t'es juste trop dans leur face, puis ça fait genre 1 mois ou 2 ou 3 mois ou 6 mois, ben t'es juste too much. T'sais, à un moment donné, tu vas te ramasser, plus personne ne va t'écouter. Puis mais... là, si tu fais pas de peine à personne, si ça te fait de la peine, mais t'en parles pas, puis tu vis avec coeur, ça. Non, je fais juste dire. Qui, mais faut juste parler. Moi, je fais juste parler en général, dire c'est correct de vivre avec l'échec. Puis tu sais, je veux dire, le podcast, c'est comme l'entrepreneuriat. C'est la même affaire. Puis faut que t'aies peur du risque. Faut pas que t'aies peur du risque. Faut pas que t'aies peur de l'échec, sinon tu deviens un salarié. Mais en réalité, t'as pas besoin de ça. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, puis ça vient me chercher, c'est un peu ça, c'est que on a tous fait un choix en se lançant dans la balado, dans le podcast, de faire, OK, ben moi je m'enregistre, puis je me mets sur Internet. Mmh. On a tous accepté indirectement de faire, ça se peut que personne m'écoute. Ça se peut que le monde me juge. Exact. Et ça se peut que le monde me revire de bord. Mais je pense que, ben, carrément, puis je peux vous confirmer qu'il y a du monde qui me déteste présentement, qui m'aime vraiment pas. Toi? Il y a du monde qui m'ont vraiment... Moi, c'est pas à cause du podcast, par exemple. Moi, c'est à cause de Facebook. Mais où je veux en venir avec ça? Tu t'es fait unfriend une fois? Au moins une fois. Non. Non, pas Ben, ouais. Moi, je suis trop gentil. Sais-tu, anecdote, une des premières conversations que j'ai avec Ben, je vais toujours me rappeler... Il me quote Conan O'Brien avec le play work hard, always be nice. Ouais. J'ai toujours, depuis que je l'ai entendu dire ça, ça m'a fait cliquer un peu sur quelque chose qui est important dans notre milieu ou dans le milieu de création de contenu. Parce que c'est ça que c'est, là. On est dans un milieu de création de contenu. Puis, qu'est-ce qui est important, c'est que tu veux juste travailler fort sur ce que t'aimes, puis sois gentil, puis tout fit, tout fait du sens. Mais je pense que cette phrase-là s'applique aussi au fait que, où je voulais en venir un peu plus tôt, c'est tout simplement, c'est que il y a beaucoup de gens qui vont commencer à faire un podcast ou qui vont commencer à faire une chaîne YouTube, qui vont se dédier. Je veux qu'ils en fassent, ils devraient. Ils devraient en avoir plus de ça, mais où moi, ça vient me chercher, c'est que on fait le collectif, là, ça fait 3 ans, là. Puis au début, il y a du monde, là. Bientôt quatre. Mais au début, là, il y a du monde, là. Puis je me souviens, on avait eu des discussions. Votre podcast est trop long. 1h45, c'est trop long. Puis 30 minutes, c'est parfait. Puis, ben, sais-tu quoi? Nous autres, c'est 1h45. Puis, t'aimes pas ça. Puis, à la limite, c'est correct. C'est correct que t'aimes pas ça. Puis, il y a peut-être quelqu'un qui va apprécier ça. Puis, il y a peut-être quelqu'un qui va m'écouter en 2 fois. Mais je pense que l'important, puis... Le message que j'aimerais envoyer aux gens aujourd'hui, c'est ayez l'audace de travailler quelque chose que vous aimez puis de rester avec ça. En anglais, il dit « stick to your guns ». C'est tu fais un podcast sur les voitures, ben crime, fuck, fais ton podcast sur les voitures puis parle de voitures. Puis c'est pas parce que les downloads sont pas au rendez-vous. On a tendance à fixer sur les métriques au Québec. Puis c'est triste parce qu'on va se priver de diffuser du contenu de qualité. Moi, c'est la raison pourquoi je check pas, entre autres, mes stats. Parce que j'ai l'impression que ça en viendrait une obsession. Ouais. Puis en tout cas, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais il y a un truc que je vais préconiser. On parlait tantôt le son tête, tout ça, mais il y a un truc que je vais préconiser avant le reste. C'est que si l'âme est là et le contenant est plus amoché, moi, y aller pour l'âme. T'sais, moi, je suis un fan de... On parlait de talk radio. J'étais un fan de tes radios. OM. J'écoute du OM. Fucking OM. Radio Italie, man. Représente. La RAI. Non, mais tu sais, le côté greedy de la vieille télé des années 80-90, ça me dérange pas. S'il y a un propos, moi, ce que je trouve dommage, c'est que dans les communicateurs, au sens large, que ce soit podcast, YouTuber ou du monde dans les médias plus traditionnels aujourd'hui, le désir est pas nécessairement des communicateurs, mais des vedettes. Oh, et la moi, vedette j'en ai rien instantané. À foutre, man, d'être une ça vedette. Suit des trends. J'ai envie d'être un communicateur. Pourquoi? Parce que c'est égoïste d'une certaine partie, parce que ça me permet de me renseigner sur des trucs que je trippe, puis de les partager après. Puis rendre des gens heureux. Les rendre des gens heureux. Ce que je trouve plate, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas ça. Le but, c'est d'avoir des likes, puis des trucs comme ça, c'est d'avoir un air culture du vide. Ben oui, exactement. Tu sais, Yves fucking Corbeil, man, dans le temps que c'est de la télé analogique, branché RCA, 3 petites crises de fil, tu sais, dans l'antenne de Télémétropole, man, il se disait pas comme, moi, si je m'en sortais dessus, je m'en fourrais. Ce qu'il voulait, à peur, là! Il en avait pas de peur. Je vais trouver ma nouvelle sonnerie de téléphone. il voulait communiquer. Tu vas me coter ça, André. Il voulait faire un show du matin, man. Le gars, il voulait faire un show du matin. Il voulait. On est-tu capable de vendre ça à 1,29? Attends, je veux savoir. 1,29, ça me parle. Hey, excuse-moi, mais premièrement, oui. Deuxièmement, meilleure impression de Yves Corbeil que j'ai entendu. Puis troisièmement, merci parce que t'as compris l'âme du collectif. T'as été solace. C'est bon. Mais c'est un peu ça, effectivement. Tu sais, c'est garde, faites ce que vous aimez. Puis la passion, ça se transpose peu importe le médium. Puis Ben, c'est la preuve. Quand tu checkes, là, il a réussi à avoir 18 290 piastres. Puis il y a juste 3 gars qui ont donné pourquoi? De l'argent. Parce que ben, il y a un gars qui a donné 1000 piastres. Ça, c'est quand même... Ouais. Peux-tu... Le 1000 piastres, il donnait quoi, Ben, exactement? Le 1000 piastres, ça donne le droit à venir une fois au show et parler du sujet de son choix. Avoir été célibataire, là? On a un fan qui est comme un genre de mécène qui semble avoir de l'argent. Puis ben c'est lui qui a donné pour venir au show. Puis c'est un gars qui suit les podcasts en plus là, fait que ouais, c'est y a Hi Chuck. Ouais. That Radio Canada money. Ouais, c'est ça. Non mais gars, on donne une idée, le dude, moi j'ai un PlayStation 4. C'est lui qui me l'a donné. Mais c'est quand même incroyable parce que... Sens-tu guilty de refuser ses party invites des fois? Non, il n'a pas, je ne l'ai pas sur PlayStation. Hein? Ça okay, c'est remarquable. Attends une seconde. Il y a Doug qui donne une PS4 et tu ne l'as pas sur PSN. Mais je pense qu'il ne m'a jamais rajouté. C'est quoi son nom? Je dirais pas. Ben écoute, Benoît, par exemple, tu sais, rajoute Benoît. En fait, rajoute-nous tous, puis viens jouer avec nous autres. Sauf moi, sauf ben j'ai pas de PS4. Sur Xbox, fuck Xbox. Non, mais. Ben, je l'ai eu gratuite. On s'entend-tu que c'est remarquable? Moi, je me souviens dans le temps des débuts de RZO aussi, quand on était à Comic-Con, Dom du Lobe Frontal qui fait un don sur la table incroyable, puis ce gars-là, c'est juste. Moi, je fais du podcasting, là, puis je m'en crisse. Il a peut-être médecin, pas de retomber. Il faisait du podcasting. Il a arrêté, malheureusement. My God. Ça, c'était un des plus gros coups au podcasting Québec. Puis il était... Dominique, j'espère que t'écoutes, puis tu sais que je t'aime. Please deal with mais me. C'était... Mais c'était en fait... un des gars qui avait réussi à sortir du créneau. Tu sais, le côté geek, on sait qu'il a envahi le podcasting québécois. Là. Mais lui, il était le médecin qui savait, il parlait de d'autres shit intéressantes. Pis juste cool. C'est quoi ce gars-là, on est comme bon, hey. Puis là tout le monde à coup de 15$, puis de 10$, puis hey, on va l'avoir à notre table. Il manque combien là? Ok, allez-y. Pourquoi? M'a me faire du fun. Vous allez vous faire du fun. Ça va mettre le podcasting sur la map, puis t'inquiète. Dom, même après tant de temps, RZO a changé d'ambiance, t'inquiète. C'est quoi? C'est des gens comme toi qui font que le podcasting c'est cool. C'est des gens comme le gars qui t'a donné un PS4, puis peu importe. Crime. Il y a du monde qui sont mieux placés dans la vie que d'autres, mais il y a des gens qui entretiennent une passion, puis c'est débile parce que à chaque exemple comme ça qu'on a, ça prouve que le podcasting est très fort. Moi c'est des gens qui ont participé. Moment de silence pour Dominique Garand. Tu vas rajouter ça au montage, là, j'espère. Arrêtez de me dire de rajouter au montage. Edith, une minute. À chaque fois que vous me faites ajoute au montage, vous me criez de la joie. Le thème de Game of Thrones qui part au montage. Qu'excuse, continue. Mais c'est juste ça, c'est que c'est des gens qui entretiennent fait une passion. Fait que John Snow, non, c'est pas vrai, je vais pas faire. Team and Friends de Shawn Michaels qui part là. Heartbreak Kid, man. Oh. Faudrait inviter Nick à parler de lutte. Mais, somme toute, tu sais, c'est des passionnés comme ça qui font vivre le podcast. Ouais. Ben, là, écoute, ça fait 10 ans, on a parlé de l'expérience, on a parlé des paquets d'affaires. Là, vous autres, vous allez arriver, vous avez votre studio. Mm-hmm. Selon toi, là, puis tu sais, là, on te donne une tribune qui est clairement mature, parce qu'on a la mention explicite sur iTunes, que les auditeurs peuvent nous laisser 5 étoiles et plus. Excellent. La pire et la meilleure trend de podcasting, selon toi, c'est quoi? C'est quoi? Mettons, toi, là, puis là, c'est ton opinion à toi, dégages. Ah, mais c'est aussi l'opinion de Benoît et non c'est pas l'opinion des mystérieux étonnants. Ah, mais c'est quoi, selon toi, là, la pire affaire du fucking podcasting qui tape ses noms? Qu'est-ce que tu veux dire par trend? Tu tentais de le coincer. Est-ce qu'il y a par train tu dis genre un sujet discuté slash approche? Non, mais ça peut être un sujet discuté. Ça peut être une manière de podcaster. Ça peut être le fait que tout le monde plug leur Patreon à la fin. Ça peut être le fait ça que... Ça me dérange pas, moi. Qu'est-ce qui te gosse du podcasting pis t'auras envie de dire à tout le monde « Hey, réveille! Change ça! » Sans fixer personne. Sans fixer le cellulaire de Guillaume. Oui, absolument, Guillaume, mais je répéterai pas ça parce que je serais pas un assaut. Oh! Alors, tout ce qu'il va dire, c'est moins intéressant de ce qu'il a lu. Exactement. Je peux-tu commencer par le positif, au moins? Commence, ben, vas-y comme tu veux, voyons. Toi, good guy, Ben. Moi je suis un gars dans la vie, je trippe sur le monde qui sont authentiques. Que tu sois tout croche, que tu sois pété de brou, que... J'aime l'authenticité, puis j'aime les libres penseurs. Le fait que t'es capable de prendre une passion, qu'importe c'est laquelle, genre, puis d'en faire un contenu alternatif à ce qui est offert, moi je trouve que c'est ça la force du podcast. Puis c'est pour ça que le podcast au Québec devrait être beaucoup plus présent. Et même si ça fait 10 ans, on parle de notoriété depuis tantôt, là, ça c'est pas encore établi. Ça commence avec comme vous autres, ça commence avec d'autres podcasts, ça continue avec Mike Ward qui commence à populariser l'idée du podcast, parce que le gars il a quand même 60 000 fucking views sur ses vidéos. Mais l'idée d'offrir un contenu différent, fais pas de ce que t'offres quelque chose de moindre. Et ça, je trouve que c'est la force du podcast et c'est ce qui m'emballe à chaque semaine. Ouais. Okay. J'ai parti un slow clap, motherfuckers. Si Jon Snow, il est pas mort. Fuck you, aussi. Ah, excuse. Fait que le meilleur côté du podcast, c'est Eric. C'est qui Jon Snow? J'en ai. Okay, je vais dire un truc mauvais côté du podcast, puis je veux pas être haineux, parce que bon, mais je vais essayer de... Ah, oh, c'était pas moi. Non, t'inquiète pas. Non, toi, je t'adore. Il y a un côté, des fois, dans ce que je fais ou dans ce qu'on se fait, où t'as l'impression que tu dois devenir des agents publicitaires de gens qui arrivent puis qui pop. Ah. Puis moi, j'adore l'idée de collaboration. J'aime triper avec du monde que j'aime. J'aime ça faire des rencontres. J'aimerais ça de voir un show de toi puis mon pote Jake. Je trouve que ça serait malade. Et sacrément, le monde est pas prêt. Il est sur notre liste d'invités en passant à Jake. Ben, invitez-le s'il va venir. J'aime ça faire des rencontres. J'adore la collaboration. À un moment donné, par contre, il y a du monde qui crie au loup. Puis ça, c'est en lien avec ce que tu montrais sur ton téléphone. Puis tu te rends compte que tu peux juste pas les aider. Il y a beaucoup de hate. Ah oui. Moi, j'en ai mangé du hate. Moi, il y a deux... Denis aussi, il en parle. Denis a mangé beaucoup. Puis il continue à manger. Il y a 2 ans, j'ai fait un podcast en star. Puis moi, il y a 10 ans, quand j'ai commencé, il y avait personne. J'allais faire ma pub, j'ai travaillé tout seul. Puis il y a 2 ans, j'ai fait un podcast. Puis il y a un dude qui m'a ramassé, qui a été dégueulasse. Puis, il m'a pas mentionné. Non, mais il m'a chié en face, par exemple. Puis là, après, c'est ça, j'ai trouvé ça dégueulasse. Mais peux-tu me permettre 30 secondes, man? Parce que tu parles du podcast All-Star, justement. Le premier ou celui... De notre côté, là, nous autres, on venait d'arriver sur la scène, OK? Ouais. Puis, non, le premier, on venait d'embarquer. Le premier, on venait d'embarquer. Puis justement, tu sais, t'as beaucoup de hate qui est ressorti de ça. Puis... Les 2 fois, j'en ai fait, j'ai eu du hate. La 3e fois, c'était à Alma, j'ai pas eu de hate. Sais-tu quoi? Je vais t'expliquer notre point de vue à nous autres. Puis moi, j'ai vu ça, puis j'ai fait, OK, tape peu, là. Comment je peux résumer notre vision? C'était challenge accepted. Ça a vraiment fait, sais-tu quoi? Je comprends pourquoi tous ces gens-là sont autour d'un micro aujourd'hui, puis ils discutent, puis... Comment qu'on peut se rendre là? Comment que nous autres, on va se rendre là? Puis à tape peu. Puis sais-tu quoi? C'est sûr, l'orgueil de tout le monde en barre. Puis tu veux être autour de la table, puis t'es fier de ton contenu. Avant que tu continues, on a eu du beau. J'ai eu du beau drama à lire. J'ai eu bien du monde brûlé, bien de pont. Hey, c'était très drôle. J'aurais dit, il y a eu de l'encre de verser, mais malheureusement, c'est du e-ink, là. Fait que. Mais on dit pixels. Il y a eu des pixels de gaspillés. Il y a eu des mots de gaspillés pendant ça. Puis sais-tu quoi? Au contraire, Chris, t'as fait un événement qui servait à faire une promotion de la marque. Puis, OK, t'es peut-être pas assez autour de la table, mais sais-tu quoi? Cette table-là te représente. Absolument. T'as des gens qui sont là, qui vont aller te représenter. Puis nous autres, ça a vraiment fait, OK, sais-tu quoi? L'event, il est fucking cool. Félicitations. Good job. Puis sais-tu quoi? Challenge accepted, parce qu'un moment donné, il va en avoir un podcast All-Star. Challenge. Puis on va envoyer Guillaume, le gars qui a même pas fait un show avec nous autres, puis il va aller nous représenter sans même enregistrer à Alma. Yes. Fait que tu sais, félicitations pour ça. Puis sais-tu quoi? Je tenais à te le mentionner, puis j'attendais que tu le positionnes, ben, parce que ça a été quelque chose qui, selon moi, c'est peut-être pas aussi connu, mais ça avait sa place, puis ça a été bien fait. Il va y avoir d'autres podcasts All-Star. T'sais, là, on a 3 éditions, je vais en faire un 4e. On parle du côté négatif, là. Je sais pas si c'est comme le Vans Warp Tour du podcast. c'est ça. Quand t'es sur la scène, Early Ball. Farm dedans, genre, juste sur l'estrade. Mais moi, je te dirais que d'un point de vue personnel, quand je me suis fait rentrer dedans pour le premier et surtout le deuxième, ça m'a fait crissement, oui, chier, mais ça m'a vraiment fait de la peine. Ben ouais, parce que moi, j'essaye, puis je suis pas parfait, man, mais j'essaie de pas être un fucker dans la vie. Genre. T'es tout seul? T'as pas une espèce comme si t'avais une équipe de recherche. À un moment donné, je fais un show, je me dis, OK, j'ai tant limité. Puis tu sais, n'importe qui écoute le deuxième podcast All Star, il y a trop de monde. Ben oui. Vous l'entendez, c'est le bordel. Parce que je voulais inviter le plus de monde possible. Fait qu'à un moment donné, tu veux ramener le monde qui était là, tu veux en amener des nouveaux, tu veux donner de la visibilité à tout le monde, puis tu aussi t'offres un show. Tu veux pas que le show dure 5 heures non plus. Il y a des noms aussi à qui tu veux pas associer ton podcast. Ça, c'est très clair aussi. Fait qu'à un moment donné, si t'as pas été invité, c'est pas parce que je constate que ce que tu fais, c'est de la merde, Mais je suis le premier à me taper sa tête à chaque semaine. Mais à un moment donné, il faut que tu comprennes qu'on offre un produit. Puis ce produit-là, ben, il va se répéter. Puis c'est d'essayer d'inclure le plus de monde. Puis j'essaie des affaires, man. Je suis un dude avec ma carte de crédit puis une console avec des micros, là. J'ai pas le contrôle d'Internet, tu sais. Puis la prochaine édition, si le monde a des idées pour essayer d'inclure le plus de monde possible, est-ce que c'est une journée? Est-ce que c'est une fin de semaine? Est-ce que... Go for it! T'sais, comme mes plateformes sont toutes ouvertes, mais au lieu d'ouvrir cette porte-là, ce que le monde y font, c'est me chier d'en face. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça dur. Mais ça, moi, je vais prendre la volée, le sujet à la volée que Benoît a commencé, puis je pense que j'ai un peu le même avis au niveau du qu'est-ce que j'aime le moins du podcast, mais j'irais même un petit peu ratisser plus large. C'est de penser que tout est dû quand tu commences. Ça, c'est drôle. C'est comme quand vous avez commencé le podcast, là, je me rappelle, j'écoutais les premiers épisodes, puis je connais André depuis au-dessus d'une dizaine d'années, puis j'ai comme pas fait « Ah, fuck, il aurait dû m'en parler, fallait qu'il m'en parle, il aurait fallu qu'il m'invite. » Non, j'ai écouté, j'ai été comme le fan number whatever, tu sais, je me suis jamais autoproclamé fan numéro un. Puis à un moment donné, j'ai commencé à être un peu plus actif, puis tu sais, il a compris que j'étais intéressé à participer, puis ça a donné que je participe. Mais ça, c'était au niveau exemple d'une participation à l'intérieur d'un même podcast. Mais un podcast d'une personne ou d'un groupuscule de personnes dans l'environnement, l'écosystème des podcasts du Québec, c'est pas parce que tu viens de faire 2-3 épisodes, puis honnêtement, je vise personne, je parle at large, que faut absolument que tu fasses partie de la gang. Tu veux pas être l'espèce d'awkward genre partie de la friend. Gang du web? Je parle de personne, honnêtement. La gang mais du ça peut être, je veux dire, que ça soit dans du podcast... C'est ça, dans du podcast, dans des YouTubers, dans des blogueurs. Puis moi, je vous ai déjà parlé dans le passé, j'ai déjà été photographe de concerts. Je faisais tous les concerts à Metropolis, Club Soda et compagnie. Puis souvent, tu voyais le petit nouveau qui arrivait, là, il venait de, tu sais, après Noël, là, il avait reçu une caméra numérique comme cadeau. Puis là, il arrivait, là, puis là, il se considérait le next big thing. J'ai remarqué les combats de coq avec les photographes dans des événements. Il y en a, mais c'est parce que dans plusieurs événements où que la barrière d'entrée est basse au niveau à cause de la démocratisation technologique. Le podcast a vécu ça depuis les quelques dernières années. La photographie a vécu ça avec la photographie numérique. YouTube vit ça en ce moment avec la popularisation de tout ça. Il y a du bruit qui rentre dans le niveau. Il y a les petits milieux sont portés aussi beaucoup à se cannibaliser entre eux. Oui, mais c'est que quelqu'un va rentrer puis va croire que tout lui est dû. Comme Benoît il a dit, fais tes preuves. Lui, il l'a fait. Benoît, moi, honnêtement, là, avoir été à sa place, j'aurais pas attendu longtemps de même. J'étais un peu impatient là, dans la vie par rapport à ça. Je le trouve vraiment sain au niveau de la patience. Là, je veux dire, comme un moine là, tu sais, qui attend là, 10 ans avant de faire un Indigo. Je sais qu'il y a une... Je suis lazy, man. C'est pas vrai. Ouais, il y a aussi une réalité... Il y a une réalité aussi que, socio-économique, une réalité aussi par rapport à l'image. Je crois que c'est pas juste le socio-économique. Je crois que... Mais il y a l'image du podcast. T'sais, mais oui, mais t'as aussi le fait que... Puis, corrige-moi si je me trompe, Benoît, mais tu mets tes tripes sur la table. Mm-hmm. Tu dis à tout le monde, moi, je fais du contenu. Aimez-vous ça, puis tu te quittes. Ouais. Puis il y a de quoi de très... En anglais, ils disent humbling. Comment humiliant. Je peux dire ça? Humbling, mais j'aime le humbliant, humiliant. Humbling, tu sais, c'est très. T'es un peu vulnérable rendu. Ben c'est ça, c'est de la vulnérabilité. Ouais, tu dis au monde, hey guys. Mais c'est pour ça que j'ai attendu un an aussi. Ouais. À partir du moment où j'ai commencé à louer le local pour le futur studio, puis on a lancé la campagne Indiegogo, c'était plus qu'un an. Tu sais, j'étais pas sûr. Moi, dans le sens, j'étais pas certain qu'on allait obtenir ce montant-là. On a fait un calcul approximatif. On s'est dit on a besoin d'à peu près 16 000. On est-tu capable au moins d'avoir 300 personnes à 40$? T'sais? Puis au niveau du calcul, ça a fonctionné. Ça a été un bargain, mais moi, c'est une hantise de mettre sur la place publique et dire « Voulez-vous nous aider? Voulez-vous nous appuyer? » J'ai jamais cru qu'on allait comme nous verser un pot of gold dans la gorge. Mais c'est parce que c'est justement c'est la confirmation, puis c'est con à dire, mais le cheminement de vos 10 ans de carrière, qu'on va dire, parce que réaliser que c'est une carrière, le temps qu'on met là-dedans, l'investissement, la planification, chacun travaille 40 heures semaine, chacun a une vie sociale à l'extérieur du podcast, puis on rajoute le podcast par-dessus ça. C'est une carrière. Fait qu'après 10 ans de carrière, la culmination de ça, le cheminement, c'est... Ben, Krim, vos fans vous ont dit... On est malgré prêt. La vulnérabilité, c'est... On est prêt non seulement à vous soutenir, mais à vous suivre. Ouais. Fait que moi, je trouve que c'est un beau témoignage, puis ça représente très bien le podcasting, parce que c'est... OK, on est rendu là. Sais-tu quoi? on fait confiance. C'est le leap of faith. C'est carrément là, le séminaire que tu fais, ça arrive sud, que tout le monde se ok, pitch-toi sur le dos, puis tout le monde va t'attraper, là. Mais vous autres, vous l'avez fait, et non seulement le monde vous a attrapé, mais ils vous ont pitché sur la scène. Ils vous ont relevé sur la scène, ils ont fait, non, t'as pas fini le show. Ouais. Fait que, je trouve ça très, très fort comme message, ce que ça envoie. Puis c'est con à dire, mais pour d'autres podcasts, tu sais, comme nous, ça va faire bientôt 4 ans, puis on s'est inspiré beaucoup de la scène locale, puis tu sais, c'est con à dire, mais c'est la première fois qu'on partage le micro ensemble, mais tu sais, on a suivi beaucoup le cheminement des Mystérieux. Vous êtes une institution au Québec, mais c'est un message que ça envoie, c'est solide, parce que encore une fois, vous créez un précédent, c'est que là, vous allez battre de vos propres ailes, vous allez faire ce que vous voulez, puis vos fans vous disent, on vous donne la chance de le faire. Exact. Fait que ça, c'est génial comme message que ça envoie. Je veux dire un truc, là. Je donne des frissons. Oui, non, ouais, mais vraiment, moi, là. J'en ai des petits, c'est parce que t'es chaud, ou parce que ça va... Jamais le suis. Je vois pas de la IPA à toi. Oh fuck, on va sortir mes lunettes. Moi j'aime l'idée, tu sais, d'aller dans les sentiers qui sont pas battus. Puis je me souviens que quand on a commencé le show il y a 10 ans, on se faisait dire ah mais oui mais là il faut expliquer. Puis c'est comme, je comprends dans le cadre de l'émission radiophonique qu'il faut que tu tiennes le monde par la main. Puis c'est bien correct. Je veux pas que ça disparaisse. Mais dans le cadre de notre show, on a du monde des fois que c'est des retraités, des bonnes femmes de Baie-Comeau qui sont libraires de 57 ans qui nous écoutent. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter aussi de prendre le monde pour des caves. Puis ils vont finir par te suivre, tu sais. Puis là-dessus, c'est pari tenu. Puis moi, sérieusement, je veux pas être mélodramatique, là, mais je me vois faire ça jusqu'à temps que je crève, tu sais. Ouais. Je me vois faire, à continuer à faire ça, juste pour... Parce que c'est fucking nourrissant, man. Qu'est-ce que je ferais sinon, man? Je serais... Mais en fait, fuck. C'est un bon point. Nourrissant. C'est quoi la Absolument. Bouffe, justement? C'est pas de l'argent. Mm-hmm. C'est je sais pas, c'est l'accomplissement de faire qu'est-ce que t'aimes. La reconnaissance de nos pères aussi, là. C'est, mais c'est très important, ça, ouais. C'est, moi, je trouve, là, c'est une des affaires les plus importantes au monde. Le plaisir qu'on en tire. Ouais, justement, le plaisir. Quand tu réalises que tu fais... J'ai entendu un gars aujourd'hui qui a dit le l'opposé du travail, c'est pas l'opposé de jouer, c'est pas le travail, c'est la dépression. C'est la dépression. J'ai vu ça, j'étais d'accord avec toi. Mais j'ai entendu un gars dire ça sur un podcast, en fait, TED Radio Hour, écoutez ça, c'est de la radio, mais c'est malade. Mais justement, le gars, il parlait de ça, puis il parlait de la gamification de la vie un peu. Ouais. Puis c'est comme, faut qu'on joue. Puis si on réussit à jouer tout en ayant de la bouffe pour nous nourrir puis un toit pour nous supporter, on n'a rien besoin de plus dans la vie. C'est exactement ma philosophie de vie. Là. C'est comme ça que je vois les gens. Regardez, mettons, Mark Maron, regardez le gars Chris Hedwig qui fait The Nerdist. Grattez un peu, puis c'est des podcasts qui fonctionnent très bien. Mais Chris a lâché sa carrière de bowling. Exactement. Ouais. Mais tu sais, le dude, il a eu des Nice Pass Rough, pareil, c'est un alcoolique, puis même aujourd'hui, il boit. Ça a l'air qu'il était très gros, mais il était jamais si gros que ça. Non, mais il est intense, alcoolique. Mais les deux gars ont passé par des hosties d'expériences de merde pour finalement dire, hey, je veux faire de quoi qui va me rapporter dans un autre sens. Fait que quand il y a une espèce de regard vu de haut par rapport au podcast, je trouve ça plate. Je suis pas comme t'es un cave. Je trouve ça plate que t'es pas dans le trip parce que au final tu vas gagner à en faire puis tu vas gagner à en écouter. Absolument. Genre. Mais en fait, c'est de prendre du recul puis comme plusieurs choses qui sont venues plus tard dans ma vie, c'est qu'on dit là, j'ai 33 ans, je suis pas le messie non plus, mais ah non, c'est pas l'âge du Messie, ça, 33. C'est l'âge du Messie, mais... Wow. Nous, on était tous sur l'impression que c'était le cas. Là. Ben écoute, je vais me faire pousser la barbe encore plus, puis merci, les cheveux, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais où je veux en venir avec ça, c'est que, tu donnes la chance... Plus tu vieillis, je trouve, plus tu donnes la chance aux coureurs. Ouais. Puis, le podcasting, c'est un peu ça, c'est peut-être pas Peter McLeod qui est en train de parler, je m'excuse, Milton. J'ai écouté votre affaire mais là-dessus. C'est peut-être pas Peter McLeod, c'est peut-être pas quelqu'un de professionnel, mais c'est quelqu'un qui va te parler avec conviction, c'est quelqu'un qui va te parler avec amour, c'est quelqu'un qui va te parler avec passion. Puis ce qui est important, c'est de donner la chance aux coureurs. Ouais. Puis ce qui est cool, puis ce que je trouve très le fun, c'est que les millennials, les gens un peu plus jeunes commencent à comprendre ça. Le éco... My God, c'est What bon. What the fuck? Ça. OK, wow. Éco-boomers! C'est chaud, là. Ben, je m'excuse, les gars, mais nous, On est des éco-boomers. Ben, sais-tu quoi? Non, mais moi, j'ai toujours espéré que j'étais comme genre le weirdo entre le Generation X et Generation Y. Éco-boomer, on vient de l'apprendre ce soir, ça, mais... c'est ma nouvelle sonnerie de message texte. Éco-boomer. Mais t'as aussi sa voix d'Yves Corbeil de tout à l'heure. Mais où je veux en venir avec ça, c'est que... donner la chance au coureur... donner la chance au coureur, essayer des nouvelles choses. Puis le podcasting... c'est pas défini, ça va être défini par les gens qui vont le faire selon leurs standards et vous allez trouver un paquet de gens qui vont s'associer à ça. Benoît, écoute, c'était super cool le show à soir. Ben, malheureusement, toute bonne chose a une fin, puis ça fait déjà 2 heures qu'on discute toute la gang ensemble. Fait qu'on va être obligé de rapper ça. Il y a du monde qui vont chialer. Il y a du monde qui vont chialer, c'est sûr. Là. Écoute, 2 heures, c'est trop long. On en veut le trop. Ouais. Mais Benoît, les gens qui voudraient interagir avec toi, on te retrouve où exactement? Mystérieux sur Twitter, les Mystérieux Étonnants, en fait, Mystérieux Étonnants sur Facebook et mystérieuxétonnants.com pour le site internet qu'on veut changer aussi en fonction de tout ce qui s'en vient avec le nouveau studio parce que c'est un vieux WordPress dégueulasse de 2006. T'as-tu mais... des plugs pour changer ça? Parce que je connais un gars qui pouvait être... Tu es à gauche de moi? Genre? Ouais, il s'est déjà offert. C'est peut-être. J'ai un peu harcelé déjà. Là. Ouais, c'est des affaires qui que je check cet été. J'ai plein d'affaires à faire cet été. Ouais. Félicitations pour le financement. Merci. Félicitations pour l'avancement du projet. Merci. Peu importe la méthode dont vous allez diffuser, je pense que justement vous êtes des passionnés puis c'est ça qui est cool. Pis pour l'inspiration aussi dans un sens. Carrément. Tu peux te rendre mais je veux dire ça donne le feeling que tu peux te rendre quelque part avec un projet de juste comme on parle depuis tantôt de plaisir puis tout. Gars, allez-y man les gars, c'est il faut jamais arrêter. Pas de barrière, mets-toi pas de barrière. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir aussi Benoît, c'est écœurant. Eric Eric, on t'a rejoint un lien sur Facebook. Moi, Facebook, je trouve ça très cool comme plateforme. Très bien dit, Eric. Je sais pas, Facebook, ça marche. Puis Price 1387, Diablo, j'ai besoin de l'aide pour monter mes rifts. Et sur Discord, on t'a rejoint comment? Puis Discord, ben viens dans le groupe du Geek Collectif. On va partager le lien. T'as juste à cliquer, puis t'embarques dedans. Puis c'est pas mal ça, ouais. Je fais bien des niaiseries. Je continue mes puddles of sweat, si vous me suivez. Puis, piece of shit. Ça. I'm a piece of shit, ouais. Yeah. Ouais. Merci, Eric. merci. Je suis plus sûr. Snapchat là, aussi. Montréalien. Moi, j'ai owné Montréalien. Puis fuck you, dude. Je l'ai déjà dit, mais fuck you, dude, que Montréalien.com. Je sais pas pourquoi c'est privé. Je sais pas c'est quoi vous pensez, mais je l'ai callé sur l'Internet premier. Mangez de la merde. Guillaume, les gens qui voudraient interagir avec toi. J'ai essayé, private. Là, t'as pas la barre et haute, là, mais Eric vient d'avoir chier l'auditoire. Fait que, oh non, juste la personne qui a mort. Anyway, c'est une autre histoire. C'est pas la première fois que je le fais. Ouais, c'est la routine. Ça a pas bien changé. GuillaumeHamel.com pour trouver toutes mes informations de réseaux sociaux. Mais tu je profite. T'as un My Page, là, hein. J'ai un About Me aussi. About me, ouais. J'ai un mon.com. Mais je voudrais juste finir en disant une chose, une petite perle de sagesse. Vu que j'ai plein de cheveux gris, je peux me le permettre. Pour finir avec le dossier, avec le sujet de la soirée, arrêtez d'essayer de vous comparer aux Américains dans le podcast ou dans le blog. Inspirez-vous-en. That's it. Des belles paroles de sagesse. Milter, afin de casser cette sagesse. Moi, vous pouvez me follower sur Zombie Milter sur Twitter, Milter sur Facebook, Snapchat Zombie M. Fallait que je me grouille, j'avais juste 10 secondes. Là, je vais en faire un autre. Eh oui, garde-toi. Aussi sur PSN et Xbox One, Milter 187, Snapchat Zombie M. Wow. Ciao. Et pour les gens qui voudraient interagir avec moi, André Paquette sur Facebook, sinon Uzumaki QC sur PSN, Xbox Live, Instagram, Snapchat, peu importe. Instagram, et vous avez apprécié la balado de ce soir. Nous sommes Geek Collectif le podcast, une balado diffusion québécoise sur la culture populaire. Vous pouvez nous retrouver sur geekcollectif.com, facebook.com/geekcollectif, Geek Collectif sur Twitter, Instagram, peu importe. Et surtout, si vous avez aimé ce qu'on vous a offert ce soir comme contenu, ben partagez-le, c'est con. Faites-le écouter à votre beau-frère, faites-le jouer dans le char d'un road trip jusqu'à Gatineau, puis faites découvrir le podcast aux gens. Notre but, c'est de partager notre trip avec vous autres. Notre but, c'est de triper avec vous autres, et ça va nous faire plaisir de pouvoir interagir avec vous. Fait qu'envoyez-nous un courriel au podcast@geekcollectif.com, 5 étoiles sur iTunes, peu importe, Puis si vous avez vraiment aimé le show, ben faites partie des gens qui nous payent une caisse de bière au patreon.com/geekcollectif. Ça va nous faire un plaisir de pouvoir interagir avec vous, voir vos petits sous rentrés. Ben vos gros sous, en fait. Je veux pas être péjoratif, ça sonnait vraiment tout croche. Je me corrige en ligne. C'est des gros sous. Vous avez des les sous qui rentrent, sous, c'est incroyable. Vous avez des grosses bourses. Des bonnes grosses bourses. Donc, sur ce, je vais couper l'audio avant que ça dérape. Merci à tous et on se revoit dans deux semaines. Grosse bourse.